Poil la brune, voilà. On attendra. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Radio Stoub, l'émission spéciale bilan qui s'est fait attendre. On avait dissolu l'équipe Radio Stoub après un vote à l'unanimité de Marc Keller. Les chroniqueurs sont tous de retour, à tort. Et de retour de blessure, oui. De retour, terrible. Sous morphine. C'était très bien. Voilà, tu nous parleras de cette saison sous morphine. Strotim. Bonsoir, Raquel Garrido à tous. Voilà, Alex Co. Salut. Voilà, de retour de. Non, toi, ça fait longtemps qu'il. À chaque fois, je fais retour de blessure, mais ça fait 2 ans. Il faisait moins chaud la dernière fois que je suis venu, en tout cas. Et ouais, et bah oui, c'était le dérèglement climatique. Il fait pas très chaud, il fait bon à Punta Cana. Et bien sûr, votre serviteur, Rachmaninov. Et comme il n'y a pas JP Larki pour faire l'introduction, nous allons tout de suite commencer. On va passer un extrait d'un interview d'un joueur du Racing. Bonjour, c'est un miracle quasiment qu'on soit maintenu. Qui a dit ça? Est-ce que ça serait pas un numéro 5? Un sudiste. Est-ce qu'il y a beaucoup de sudistes encore dans cette équipe? Un joueur de plus de 23 ans. Est-ce qu'il y a encore des mecs qui savent faire sujet, verbe, complément? Bon, ouais, ça c'était pas super français non plus. Il y avait des trucs, mais il parle avec le cœur, il parle avec le soleil. C'est Lucas Perrin. Ouais. Lucas Perrin qui interview suicide kamikaze avant même la fin de la saison, après sa non-titularisation contre Metz, c'est ça, hein, ouais. Qui dit ce que tout le monde pense, ce que même Vieira a dit à demi-mot dans plusieurs interviews, c'est un miracle quasiment qu'on soit maintenu. Sur l'expérience. Au micro de l'excellent Luis Agosto, qu'on salue évidemment. Voilà, évidemment qu'on fera. Et il embraye aussi tout de suite, voilà. Il met en cause le projet, c'est-à-dire. Il dit, il y a un soi-disant projet sportif, mais aujourd'hui, on ne sait pas où il va. Et ça, c'est un peu ce que Radio Stoub a dit toute l'année. Mais d'ailleurs, Lucas Perrin était là, on peut le dire. Il était assis dans le canapé. Et il est complète aussi. On demande à des joueurs de 18-19 ans d'avoir des responsabilités de joueurs de 30 ans. Voilà. Donc, le résumé de la saison, peut-être. C'est un bon résumé de la saison, vu de l'intérieur. On analyse en 3 temps, je pense. Première analyse, c'est un miracle quasiment qu'on soit maintenu. Alors. Bah, si tu raisonnes de manière générale, le miracle, c'est d'avoir eu autant d'adversaires faibles. Parce que finalement, t'as l'impression que c'est un peu royaume des aveugles et les bornes sont rois. On se maintient en jouant mal. Enfin, il n'y a pas un match de référence sur la saison. Bonjour. Peut-être Lille. Si, Rennes. Ouais. Rennes le week-end de Pâques. Miracle de Pâques. Et peut-être Lille à domicile. Mais si vraiment tu cherches. Oui, Lille, le Havre, c'est un miracle de la chatte. Mais effectivement, après, t'as une adversité qui était quand même assez faible. Toute la saison, on n'était pas vraiment inquiet pour le maintien parce que t'as été genre des équipes mauvaises derrière nous. Oui, puis t'as la cartouche barrage si jamais tu. Bon, même si c'était ouais, que Metz n'a pas réussi, mais bon. Ouais, mais que Metz avait encore l'espoir de se maintenir, c'est déjà un signe de la faiblesse du bas de tableau. C'est vrai qu'il y a eu quand même, je pense qu'il y avait. On avait une fin de tableau. On était le leader de la fin de tableau, en fait. Ouais. On se maintient avec dans un championnat à 18 avec 39 points. C'est pas la bonne saison. Non, mais justement, c'était un point de comparaison. En 2021, qui était la dernière saison un peu galère, on se maintient avec 42 points. Dans un championnat à 20. Dans un championnat à 20, donc 42 points, c'est déjà pas mal. Hein. On avait coutume de dire que le maintien se jouait à 40. 40-31 et ça s'était joué à 39-38. Cette année-là, Nantes est barragiste avec 40 points. Et en fait, si on se souvient de la saison 20-21, c'était certes une saison difficile, mais il y avait eu des cumuls de blessures, Maltzels, etc. Et on avait une équipe autrement plus cohérente. Donc, effectivement, je pense qu'on voit divers phénomènes. Le premier, c'est paradoxalement le passage à 18, je pense, n'a pas resserré le championnat. Il a même distendu entre la tête et le. C'est ça. Et le cul. Je pense qu'il y a aussi un autre effet, c'est que tu as effectivement beaucoup plus de clubs qu'il y a 2-3 ans qui sont en roue libre et ont balancé quelques matchs. Et en plus, dans la façon dont le calendrier était construit, on s'est souvent trouvé à pouvoir faire ces fameuses séries qui nous ont maintenu un peu la tête hors de l'eau. Pile au moment où on rencontrait des clubs qui étaient en méforme, on joue Lyon en début de saison, c'est évidemment pas la même que de les jouer. On joue Lyon pour le premier match quand ils sont encore en plein dans leur marasme avec Textor, c'est évidemment pas la même chose que si on les avait joués ne serait-ce qu'à la 10e ou 15e alors, journée. On les a joués à la fin, on a vu la différence, hein. C'était c'est plus ça. La même équipe. Et chez nous non plus. Même Lille, on les joue un peu en fin d'année civile, au moment où ils sont un peu fatigués en Coupe d'Europe. Enfin, et on a eu relativement, enfin on a eu quelques blessés évidemment, mais bien moins. Enfin, on n'a pas eu de blessure majeure du type le gardien est meilleur joueur out avec le tendon d'Achille. Donc en fait, oui, effectivement, je pense que alors miracle, c'est peut-être un petit peu, on va mettre ça sur le dos d'une faconde un peu marseillaise, mais en tout cas, on peut pas dire qu'on ait mis les ingrédients pour se maintenir, quoi. Moi, je pense que tout le monde en janvier, quand Matt Sells part, se dit ça va être chaud. Bah, je suis pas sûr parce qu'à ce moment-là, et je crois que il y a même des déclarations. Je me demande si Matt Sells le dit, je crois. À ce moment-là, on a un petit matelas par rapport à la zone rouge. On se dit. Oui, bon, c'est vrai qu'on était encore. C'est pas la folie, mais on va se maintenir tranquille. C'était un peu la deuxième désillusion parce que la première, moi, je me souviens qu'en début de saison, je crois que Bellegarde est notre meilleur joueur sur les 2-3 premiers matchs. Ouais. Et il part aussi très vite. Je crois qu'il joue 2 matchs, 3 matchs. 4 matchs, je crois. Ouais. Et je me dis autre chose, je dis waouh, il part, tu te dis ça va être galère. Il joue 4 matchs. Bah 2 buts, 2 passes décisives. C'est ça, et en fait, c'était un peu bis repetita avec Matt Sells en hiver, quoi. C'est vrai que c'est complètement un départ qui est généré par cette micro-bonne passe qui a rendu dès fin janvier mathématiquement assez difficile le fait d'être relégué. Bah, c'est vrai qu'on a eu, ce mois de décembre un peu miracle de Noël, hein. On va rester sur les miracles. Et je pense que Marc Keller, ou la personne qui décide des transferts au Racing, celle s'il veut partir, on peut récupérer du pognon, ça va passer. J'ai assez, quoi. C'est comme tu te dis, bon, allez, j'ai accumulé des points au bac, là, d'avance, maintenant, ouais, un c'est truc. Ça. Allez, je sèche les 3 prochains mois, ça devrait passer, j'ai pas besoin vraiment de... Ouais, ou je peux rouler 5 km au-dessus, vitesse compteur. Oui, non, il y a de ça, c'est effectivement ce type de comportement. Et du coup, juste après le départ de Matt Sells, on a une série de merde. De 5 défaites en 6 matchs. C'est ça. Et il y a juste le match nul à Montpellier. Mais ce qui est... Clermont, non, aussi. Non, Clermont, c'est juste avant. C'est juste avant, c'est le dernier match de Sells. Mais ce qui est fou, c'est que cette série. Ah, bah oui, oui c'est vrai, puisqu'il y avait l'enfant. Il y avait l'enfant avec le drapeau. De drapeau de Sells. Prémonitoire. Cette série ne nous emmène pas dans la zone de relégation. Oui. Ce qui est terrible, c'est-à-dire que. Il était déjà quand même assez médiocre avant. On enchaîne une très très mauvaise série, mais on est toujours resté. C'est un des arguments des gens qui sont plus indulgents avec cette saison et avec le fonctionnement type Bloco, c'est le Racing n'a jamais été relégable, certes. Après, on a eu des Metz qui se sont flingués, Lorient qui a fait n'importe quoi, Nantes, effectivement, c'était particulièrement foireux aussi. Est-ce qu'on aura toutes les années la chance d'avoir ça? C'est une bonne chose, et ça permet d'embrayer sur la deuxième partie de la déclaration de Lucas Perrin. On est censé avoir un projet sportif, et évidemment, là, je pense que... On le voit pas, et le départ de Sells pour mettre un Bélarouche qui est absolument pas prêt, c'est la quintessence de ça. Il y a pas de projet sportif, il y a un projet financier, il y a un projet pour éventuellement être la réserve de Chelsea ou la zone de transit de Chelsea, mais il n'y a plus aucun projet sportif. Mais alors, est-ce que si je me fais l'avocat du diable, Al Pacino. est-ce que le fait que ces joueurs aient libéré de la place, hein, parce que si on se met dans ce projet, parce que le projet c'est ça, faire jouer les jeunes, donc dégager les vieux pour faire jouer les jeunes, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont bénéficié de cet appel d'air, le fait que Bellegarde ne soit pas là, le fait que, est-ce que Bellarouche par exemple, c'est un peu le porte-étendard, parce que c'était le poste le plus symbolique, le poste le plus exposé, Sells part, Sells intouchable auprès des supporters, c'était pas sa meilleure saison non plus, hein, on va pas se le cacher. Oh, c'était quand même un des meilleurs joueurs, il a été joueur de la saison sur le Stuhl. Oui, mais je pense qu'il serait même élu encore joueur de la saison prochaine sans jouer. Parce qu'il est intouchable, il a cette aura, il a sauvé tellement de fois le Racing que. Mais je pense qu'il était quand même un cran en dessous, peut-être parce que lui non plus se reconnaissait pas dans le projet. Mais est-ce que Bellarouche a lui bénéficié, est-ce que ça lui a bénéficié de se retrouver bombardé numéro 1 premier match, le pénalty arrêté contre Mbappé, ensuite la boulette. Derrière, aucun match référence, on va dire. Non, pas de match catastrophe non plus, mais toujours la petite boulette, toujours. Grippe par le public aussi, une partie du public. Oui, mais parce que tout simplement, ils n'étaient pas prêts. Enfin, les jeunes, enfin, ce type de projet, c'est les gens qui imaginent ça, ils supposent toujours que tu fais jouer un joueur de 19-20 ans, tu lui donnes du temps de jeu, il va progresser. Mais c'est toujours oublier l'aspect mental, l'aspect humain, de dire que tu as des joueurs qui sont matures. Tu as des joueurs qui peuvent être matures à 17 ans et qui peuvent tout de suite jouer. Oui. Enfin, tu as les Espagnols, tu as Lamine Yamal par exemple, ça, c'est des phénomènes. Après, physiquement, c'est autre chose. Ça, c'est pas forcément dans la durée. Mais t'as des joueurs qui doivent attendre peut-être 22, 23 ans pour être suffisamment mûrs, matures, forts dans leur tête pour jouer en Ligue 1. Et Bélarouche, c'est pas le cas. Et encore, Bélarouche, je trouve qu'il s'en sort pas si mal parce que, on compare avec un autre jeune gardien qu'on aurait eu au Racing. Lingurukama, qui a complètement explosé. Bélarouche, ouais. il a quand même fini la saison un peu à demi truc, voilà. Et c'était pas génial, mais il a pas explosé. À aucun moment on l'a vu flancher. Genre un mec moins fort mentalement. Je pense qu'il aurait même complètement, il aurait pu complètement exploser. Lui, il a écopé jusqu'au bout. Alors que c'est vrai que franchement. Mais c'était pas lui rendre service. Ah bah, moi, je pense que c'est pas du tout lui rendre service. Ouais, mais c'est là où on en vient à la différence entre projet sportif et politique de jeunes à outrance, qui consiste en fait à en mettre 10 sur la feuille de match ou 8, c'est comme vous voulez, en se disant il y en a bien un qui va marcher. Oui, c'est ça. C'est en fait, ça, c'est pas un projet qui mise sur les jeunes. Ça, c'est un projet spéculatif. En fait, en gros, on va les lancer dans cette espèce de foire d'empoigne. On va voir si on a l'un ou l'autre là-dedans qui sort du lot. Et en fait, c'est la dérivée d'une logique financière qui consiste à dire bon ben voilà, je vais prendre 10 actions risquées et il y en a bien une qui va marcher, ça va me compenser les pertes sur les autres. Un vrai projet pour faire progresser des jeunes, ça a toujours été, et c'est ce que Perrin dit aussi d'une certaine façon, un effectif raisonnablement bien construit avec des joueurs un peu d'horizons différents, des joueurs un peu plus âgés, parce qu'en fait les jeunes ils apprennent pas par eux-mêmes. En fait, je veux dire, toi-même quand tu démarres un taf à 20, 25 ou même plus vieux, bah en fait il y a des gens qui t'expliquent comment faire, quoi. Et je pense qu'on a tous eu 1, 2, 3, 4 collègues qui nous ont donné des bons conseils pour progresser professionnellement. Si on s'était retrouvé qu'avec des jeunes de notre âge pour tenir la boîte à l'époque, bon, on n'y serait pas arrivé, hein. Je veux dire, c'est donc évidemment dans une équipe il faut un renouvellement, il faut de la jeunesse, il faut des jeunes qui poussent. Tu peux avoir des équipes plus jeunes que d'autres, tu peux à un moment dire ok, j'ai un groupe de titulaires qui tourne vraiment bien, je vais pas miser sur les jeunes, je vais l'emmener jusqu'en fin de cycle parce que je pense que c'est plus rentable, même si je sais que je vais me prendre un creux derrière. Tu peux avoir l'exact inverse, disant bon, mais maintenant je renouvelle beaucoup parce que les autres ils commençaient à bien avoir le capot qui fume. Donc ça, c'est des curseurs que tu peux placer, mais tu peux pas faire un truc aussi déséquilibré, ça marche pas. Ouais. Et je pense que c'est en fait derrière ce que dit Perrin, il y a quand même, je pense, il y a une double amertume. C'est la première amertume, c'est bah en fait moi au final je fais pas une si mauvaise saison, mais on est déjà en train de me foutre dehors parce que je suis pas rentable, je suis pas bancable, donc je m'en ouvre à la presse. Et la deuxième chose, on me demande en fait de faire des choses que je pourrais peut-être faire à une échelle moindre du haut de mes deux saisons en Ligue 1, mais qu'en fait je me retrouve en gros à être le garde-chiourme de 10 gamins, quoi. Et en fait je comprends que ça le saoule, en fait. Donc là Perrin il a dit avec une certaine forme de bon sens ce qu'il pensait. Et dernier point, c'est aussi très intéressant parce que finalement on voit que depuis un an la communication autour du Racing est quand même vachement moins bien verrouillée. Ça avait commencé quasiment dès le début après le rachat avec Liénard et Mangan qui s'étaient branchés par presse interposée. Tu peux être sûr que dans le Racing de 2019-2018, jamais Perrin peut attraper Dreosto, lui dire ce qu'il a sur le cœur, et ça sort dans la presse. Ça démontre aussi une perte de maîtrise à ce niveau-là. Ouais, alors et pourtant le club fait tout pour verrouiller à fond sa communication. Notamment rien que du fait des infrastructures. Maintenant, le centre d'entraînement, les joueurs ils ne croisent plus la presse comme auparavant. Auparavant, les joueurs se changent au stade de la Méno, ils prenaient le petit pont pour aller là-dessus, et après, t'avais des échanges en off là-dessus, sur le chemin de l'entraînement. Bon, c'est là, très old school, ça. Oui, c'était old school, mais ça fonctionnait. Là, aujourd'hui, les joueurs arrivent en bagnole, ce qui est pas très bien d'ailleurs. Ils arrivent au centre d'entraînement, on ferme le portail, et t'as plus d'échanges à part les interviews organisées une ou deux fois par semaine. Et Perrin, l'échange entre Perrin et Dreosto, c'était une interview qui était calée au départ, mais il ne devait pas parler de ça. Et c'est Perrin qui vide son sac. Qui vide son sac, bah oui. Et Dreyer Stouk a les couilles de publier. Oui, aussi. Parce que j'imagine que derrière, il a dû avoir 2-3 coups de fil. Quoi. Ah ben, les méthodes du Racing, oui, ils appellent beaucoup les rédactions. Oui. Après, est-ce qu'il n'y a pas une part de... Bon, Perrin est peut-être aussi déçu, qu'il n'y a pas forcément la revalorisation salariale qu'il espérait. Il était quand même à des... Enfin, en fait, sportivement, sa saison est quand même très bonne. Enfin, au regard de ses capacités, il est souvent titulaire et il voit effectivement des produits Blueco arriver. Ah, c'est là qu'il gagne 3 fois plus. Qui vont gagner nettement plus que lui. Mmh. Je pense qu'il peut légitimement se poser des questions. Je pense que ça peut amener des discussions avec le club. Et effectivement, s'il se rend compte qu'il n'est pas dans le projet, ça peut amener de la frustration, il va parler plus facilement. Et surtout que ce qui est dit dans l'interview, et je crois que Dreyer pose un élément de contexte, c'est que quelques jours auparavant, tu avais une réunion entre les dirigeants du Racing et les agents de Perrin pour parler d'une éventuelle prolongation de contrat et sans doute d'une revalorisation, parce que Perrin, il reste 1 an de contrat, c'est sa dernière saison là qui vient. Donc, étant donné qu'il était titulaire, il aurait pu espérer avoir une prolongation, ce qui était logique, hein, c'est le meilleur défenseur quasiment. Et je pense que là, le Racing leur dit non, bah écoute, c'est pas le projet. Ça tient. C'est pas le projet. C'est le problème. Si on peut te vendre cet été, on te vend cet été. Ouais, ben tu vois, en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que on a quand même connu les anciennes années du Racing, époque Ginesté, où on signait des mecs de seconde zone et les types voulaient tout de suite se barrer. Là, il y avait quand même quelque chose, là, ces dernières années. Le club était devenu fort en tant qu'institution. Et t'as des mecs comme Perrin qui adhèrent et qui, effectivement, c'est sans doute une des raisons pour laquelle il dégoupille. Le gars a envie de prolonger. Tu te dis, ah, putain, génial, quoi. Surtout qu'on lui avait donné, enfin, on a donné la chance, un joueur un peu atypique. Enfin, il avait pas un profil de... Il est arrivé sur la pointe des pieds, il a fait son trou. Je pense qu'il a aussi un peu la pression de tenir la baraque cette année. Oui, mais c'est pas grave. Et derrière, effectivement, comme tu dis, genre, le mec, il dit, bah, moi, je suis chaud de continuer. Et on lui dit, bah non, tu sais. C'est ça. Bon, on s'est tapé pendant des années des mecs comme Paisley qui étaient franchement médiocres et qui se torchaient le cul avec le Racing. Là, on a un gars qui fondamentalement, en plus, n'est pas d'un niveau très différent de Paisley. Mais sauf que lui, en fait, il regarde la chose exactement en sens inverse. Pour lui, le Racing, c'est sa chance. Il regarde le club un peu vers le haut, il dit ok, j'ai fait mon trou, je suis titulaire, j'ai envie de prolonger. En fait, si t'avais un projet sportif un minimum sain, en fait c'est du pain béni quoi. Ça, c'est le mec, on est d'accord, hein, Perrin, c'est pas Beckenbauer, il n'y a pas de problème. Il fait des conneries. Avec ses limites, pour moi, on peut en discuter, mais pour moi, il rentre dans un top 3 de meilleurs joueurs de la saison. Tu vois, c'est le joueur de club quoi. C'est le mec, au bout de 4 ans, tu lui files le brassard. Il incarne quelque chose, sa simple présence fait qu'il y a une forme de respect, et c'est ça qui fait un club, c'est des mecs comme Perrin qui font un club. Et de l'attachement vis-à-vis du public aussi, enfin le public peut s'identifier à un joueur, c'était un peu ce qui manquait l'an dernier. Ben, Sels, c'était un des derniers comme ça, auxquels les enfants s'attachaient. Pas tout le monde, hein, genre. De toute façon personne n'a compris le départ de Sels. Mais un Perrin, c'est typiquement Perrin et Gilbert, finalement, c'est les deux derniers comme ça où ils font pas de roulettes mais ils font des roulades. Ça passe. Mais c'est tout con. Des joueurs de passage, des jeunes de passage qui ont 18-19 ans qui signent, qui savent que dans 2 ans s'ils sont bons ils sont déjà ailleurs, ils vont pas avoir ce même attachement que des Perrin et des Gilbert. Pour qui, finalement, Racing, c'est presque une espèce de summum de leur carrière. Le truc, c'est que Perrin, si on le fait, il vient en prêt. Hein, je dis pas. À la base, il vient en prêt. Si on le re-signe, justement, à Marseille, on compte pas trop sur lui parce qu'on le considère comme un mec qui ne fera jamais son trou. À Strasbourg, on lui donne sa chance, ça marche pas trop mal. Qu'est-ce que fait le Racing? Il se dit, bon, c'est un mec, on sait que c'est pas Beckenbauer. Genre, voilà, quand on l'a cherché, on le savait. Le mec, il a fait le boulot, il est motivé, il s'inscrit dans... Enfin, a priori, le projet de l'époque quand on re-signe Perrin, c'est de prendre des joueurs comme ça. C'est aussi de prendre des jeunes, mais de prendre des mecs comme ça. Ou de prendre des mecs comme Gilbert qui viennent se relancer à Strasbourg et qui, genre, quand Gilbert vient se relancer, le mec il vient se relancer, mais on se dit ouais, mais il est pas venu en touriste. Prends le chèque. Il est venu donner, et puis quand on lui dit ah bah tu veux pas revenir, le mec il dit bah si, Strasbourg ça m'a plu, je reviens. Et on avait effectivement, et là le projet pour moi, il a effectivement, le projet c'est plus le même. Le projet aujourd'hui, c'est effectivement, on prend des pépites, hein, mot qui n'existait pas il y a 1 an et demi, non, ou 2 ans. Oh, ça a toujours existé, mais pas... Genre, maintenant, t'as plus un article sans marquer pépite, quoi. Ouais. Non, mais c'est des produits spéculatifs, en plus, tu vois. C'est vraiment genre... Il y a deux types de joueurs qui sont pris. C'est soit d'un côté, effectivement, des mecs qui pour des raisons de transit, de passeport, de visa, bah, on peut en parler après. C'est bien de les mettre chez nous. Soit des mecs qui ont effectivement des grosses qualités physiques et si on a réussi à leur apprendre à jouer au football, on pourra peut-être en faire quelque chose. Ouais. Mais encore une fois, il y a ce côté. J'en prends 10, il y en a peut-être un ou deux qui vont marcher, ça payera les autres, c'est bon. C'est pas du tout la même logique que quand t'as une pyramide des âges un peu plus consistante et que t'as un renouvellement progressif avec 2, 3, 4 jeunes qui valent vraiment le coup, qui sont sortis du tamis. Là, la réalité cette saison, c'est que dans tous les petits jeunes du centre de formation là, qui ont joué cette année, les Bechiche, etc., il y en a une partie, ils feront jamais une carrière mieux que CFA, pourtant ils auront joué en Ligue 1. Hein. Et sur ce truc de mutualisation des risques, tu disais on en prend 10, il y en a un qui va exploser. On est complètement là-dedans et on est complètement dans ce truc de multipropriété parce que plus tu vas diluer le risque, plus tu vas en fait prendre de pépites ou de joueurs, plus tu vas diluer le risque et plus tu as de chances que ça marche ou de t'y retrouver financièrement. Mais effectivement, à un bon moment, dans un club de foot, t'es quand même limité, donc à ce moment-là, la solution est toute trouvée. T'en achètes un deuxième et tu passes sur un système de multipropriété qui va en fait augmenter les slots disponibles pour ces pépites. C'est ce qu'on dit. Exactement, c'est ce que dit Radcliffe. Radcliffe, quand ils ont. J'allais dire John, mais je sais pas si c'est ça. C'est Jim, je crois. Radcliffe. Qui a racheté Manchester United et qui maintenant voit Nice presque comme une pépinière pour Manchester United. En plus, il a racheté, alors c'est encore pire parce qu'il a racheté genre une partie, mais avec la gérance. C'est vrai. Là, on a 25% des parts de Manu. Je ressens que juste avant un peu de repartir, on parlera du mercato, du staff, de l'avenir, tout ça. J'aurais juste dans le bilan, on continue un petit peu le bilan de Lucas Perrin avec ces jeunes de 18 ans à qui on demande de faire le boulot de 30 ans. Pour moi, il y a encore deux catégories de joueurs où je voudrais votre avis. Il y a les joueurs qui étaient pépitables, hein, comme je crois que c'est comme ça qu'on dit maintenant, qui étaient pépitables. donc je pense à Diarra, Doucouré, qui étaient les porteurs d'art, c'est-à-dire des joueurs qui avaient un potentiel qu'on était allé chercher ou qu'on avait en stock formé. Oui, voilà. Bon, il est venu à 13 ans, on l'a formé. Arrêté à son premier match. Il aurait pu venir en 2017. À l'époque, il n'y avait pas encore d'ordonnance de mise à l'écart. Et Doucouré est arrivé un petit peu plus tard. Donc des joueurs qu'on avait identifiés potentiels, où on a dit on a l'argent, on les garde, on leur laisse de la place. Hein. C'est un peu ça le projet, on va dire. Si on a viré des Belgares, c'est pour laisser de la place à des Diarra, des Doucouré. Est-ce que eux, ils ont tiré leur écharpe? Est-ce qu'ils ont tiré une écharpe? Non. Voilà. Est-ce qu'ils ont tiré leur épingle? Leur épingle. Je sais pas pourquoi je vais dire écharpe. Est-ce qu'ils ont tiré leur épingle du jeu ou est-ce qu'ils auraient progresser pareil ou même mieux s'ils avaient été un petit peu en retrait derrière un titulaire avec du temps de jeu plus progressif ou pas. Est-ce que vous pensez que ça a été bénéfique? Est-ce qu'ils sont sortis meilleurs? Sachant surtout Doucouré, lui, il veut partir, il y a des clubs qui le veulent, donc a priori il ne jouera plus Racing. Mais Diarra, c'est un bon exemple parce que la saison où il explose, la saison d'avant le rachat, l'ancien Racing, en fait il progresse presque de manière linéaire, mais parce que, comme disait Strotim, il est encadré. T'avais un Diallo où il y avait une entente technique et même humaine entre les deux, mais ça le tirait vers le haut. T'avais d'autres joueurs, même des Liénard ou des mecs comme ça qui sont là, qui tiennent le vestiaire, qui sont pour t'apprendre le métier. Et cette année, un Diarra, il a été propulsé limite leader de l'équipe, leader du milieu de terrain, alors que c'est un 2004, il a 20 ans. Et puis il était pas prêt, ça c'est lui. Enfin, ça... Oui, mais parce qu'il était pas prêt à endosser son rôle. Oui, voilà, tout à fait. Le rôle et je pense même l'exposition, parce que les coups, du coup là, c'est lui qui les prend. C'est plus Liénard qui monte aux interviews ou qui va gueuler. Tu prends les coups directement. Ouais, je pense qu'honnêtement c'est là où le projet se nuit à lui-même. Je vais refaire un parallèle qui est un peu un parallèle du coffee du commerce, mais concrètement, dans ton taf, généralement, quand t'es vraiment bon et quand tu progresses, c'est quand t'as un peu le feu aux fesses, que t'as le stress, que t'as une petite forme de boule au ventre. Ça veut pas dire qu'il faut l'avoir tous les jours. Et que, je recommande pas non plus la boule au ventre. Mais oui, pardon, excuse-moi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si t'as ta place garantie, que tu sais que tu vas pas te faire virer, que tu sais que tu vas rester le chef et que tes budgets seront maintenus, tu vas y aller mollo, c'est humain. Si effectivement tu sens que t'as un bon petit coup de pression et que tu vas te faire en irlandais gentiment, il s'agit pas de dire qu'il faut hurler sur tout le monde, bah c'est là où souvent bah tu te mets un peu à la planche pour avoir des résultats. Là où je termine mon parallèle café du commerce pour en arriver au Racing, c'est que en fait des mecs comme Diarra et Doucouré, ils se retrouvent beaucoup trop facilement titulaires. J'avais fait le parallèle, je crois, sur un topic du Stoum, des mecs comme Djetou, Dacour, qui étaient les Diarra ou Doucouré de l'époque, hein, toutes choses égales par ailleurs. Ben en fait, les mecs, putain, devant, t'avais du Hughes, du Payard, du David Régis, les mecs, ils devaient se les farcir pour être titulaires. Et à l'entraînement, ça charbonne. Et quand tu en reparles, encore maintenant, quand tu rallies leurs interviews, les mecs, ils ont vraiment dû aller chercher leur place, quoi. Là, c'est trop facile. Un mec comme Diarra, il fait une saison franchement moyenne, mais il y a personne d'autre. Il y a personne d'autre. Et par ailleurs, il y a aussi un truc avec ces histoires de spéculatifs. En fait, comme il porte le prix de son transfert, ça devient presque un argument, en fait. Bah, les gars, vous pouvez pas vous permettre de me mettre sur le banc vu ce que je suis censé valoir. Et donc, en fait, ça fausse tout. Ça fausse absolument tout. Et je pense que c'est aussi ce que Perrin dit, parce qu'en fait, Perrin, lui, il sent aussi un autre effet qui est un peu plus pervers. C'est que, bah, lui, il a pas une énorme cote sur le marché des transferts parce qu'il est déjà un petit peu vieux et qu'il a pas les qualités qui sont appréciées sur le marché des transferts. Donc, il se dit, en fait, à un moment, je vais peut-être être un peu meilleur qu'un autre gars, mais du coup, je vais terminer remplaçant parce que l'autre gars, d'un point de vue spéculatif, va être mis comme étant titulaire. À la fin de saison, c'est ça. Et donc, c'est aussi ce qu'il dit, je pense. Donc, évidemment, un Perrin, on va être d'accord, c'est pas, il a pas fait cette déclaration par amour fondamental du Racing. Il pense à son intérêt, c'est bien évident. Il a espéré une prolongation de contrat avec une augmentation juteuse. Il l'a pas eu, il se venge derrière. N'empêche que ce qu'il dit, c'est quand même un mec qui a été déçu par le Racing. Ouais. Et c'est là où c'est très très con, c'est que, en fait, des mecs comme ça, moi, depuis que je suis le club, en fait, on s'est retrouvé beaucoup plus souvent dans une situation où on rêvait d'avoir des gars comme ça. Et là, maintenant qu'on en a, on les envoie se faire foutre, quoi. Et en fait, c'est ça qui moi me bouffe, quoi. Et ouais, c'est, en fait, on peut pas s'en sortir. L'institution en elle-même ne peut pas prospérer si on continue avec un fonctionnement aussi mortifère. C'est pas possible. Il y a un joueur qu'on n'a pas cité, qui est une recrue Bulco, mais dont on a beaucoup parlé cette année, c'est Emega. Et Emega, pour moi, c'est typiquement l'exemple de ce que tu disais, qui est un mec qui a été quand même propulsé comme titulaire en puissance, qui a été parfois maintenu, peut-être contre toute logique sportive, alors qu'il fallait peut-être contre toute logique tout court. Voilà, non, mais je veux dire, c'est un mec qui, dans l'ancien modèle, avec peut-être une concurrence, avec un Jorque, avec un Diallo, avec qui tu veux, et finalement, tu vois, quand tu parles du fait que quelque part, griller sa progression et pas lui rendre service, bah, je pense que ce mec-là, je sais pas si cette saison, au final, lui a rendu service. Alors, il a marqué 8 buts, au final, il a fait des choses, mais je suis pas certain. Il a des bonnes stats. Oui, en cherchant. Non, alors pour moi, c'était les deuxièmes catégories de Pépita, justement, je voulais y venir là. C'était pour moi les recrues Blouco, ça fait une transition. Qui ont justement, non, mais voilà, qui étaient pas là, mais qu'on a pris parce qu'ils ont du potentiel de Pépita, et eux, ben, genre, ils ont été, Emega a été titulaire indiscutable puisqu'on l'avait acheté, puisqu'il fallait qu'il joue. Enfin, c'était un peu la vision qu'on avait. Il fallait qu'il joue envers et contre tout. Si là, ils ont quand même dû, même Vieira à un moment, dû le dégager parce qu'a priori. Problème de comportement. Voilà, problème de comportement. En plus, il avait réussi à, genre, enfin, les deux ont réussi à se mettre le public dans la poche, directement, entre boulettes, attitude nonchalante. Hein, je veux dire, je pense que si on fait un sondage à la Méno en début de match, il n'y a pas un mec qui met Emega et s'il est titulaire. Je suis pas sûr. Je pense qu'on sous-estime chez les spectateurs qui ont entre 18 et 23 ans. Ah oui. Pour eux, à partir du moment où on les a achetés cher, c'est des bons joueurs et ils montent. Je mets de côté Angelo qui avait un buzz. Dans le train. Même si on l'a presque oublié, il y avait un buzz où à la rencontre des joueurs, c'était Angelo qui l'autographomètre, c'était lui qui avait le. Mais parce qu'il a coûté 15 millions d'euros. Il avait qui vient de Chelsea et c'est un joueur aussi. Mais effectivement, on a senti. Brésilien. Bref, tous d'avoir un Brésilien qui casse un peu la baraque, hein, genre. Sauf qu'on a toujours été un club à Argentin et pas un club à Brésil. On a eu Peña. Marcos. Rodrigo. Felipe Sade. Ouais, c'est un vrai Brésilien. Mais donc, effectivement, ces deux joueurs, on leur a donné, je pense, le temps de jeu maximum qu'on pouvait leur donner. Je pense que, genre par contrat, Vieira leur a donné tout ce qu'il pouvait, quoi, parce qu'il pouvait pas donner plus. Hein, genre. Ouais, mais c'est un peu comme le chef de rayon du supermarché. Je suis désolé, le gars il a parié sur les concombres cette semaine, il a acheté un camion, donc il dit à ses vendeurs, putain les gars vous avez intérêt à me fourguer du concombre et je veux tout voir partir, même si les gars sont là genre, ah, Michel tes concombres ils sont un peu fatigués tu vois, enfin il y a de ça quoi. Oui non mais du Eméga, donc on met du Eméga en vitrine et vous allez bouffer du Eméga quoi, jusqu'à que on trouve ça bon. Oui mais parce que justement dans le supermarché Racing, on a que du concombre, on n'a pas acheté de poivron ou de choses comme ça pour mettre en concurrence, c'est donc ça. On était obligé de faire avec du poivron. C'est ça. Ah, du concombre. En plus, hein. Au prix où on a payé le concombre. Bah oui, cher la flotte, hein, putain. Non, mais du coup, oui, et Mégane n'avait pas de concurrence. La concurrence, c'était quoi en avant-centre? C'était Gamero. Gamero qui a été fantomatique cette saison. Enfin, genre, il a traversé la saison. Sur sa dernière, il était fusillé. Ouais. Enfin, voilà, il a traversé la saison. C'était presque déjà la saison trop. Il est plus vieux que moi. Qui est-ce qu'il y avait en attaque encore? Je ne sais même pas. Non, mais en avant-centre. Hein. Saï, non? Bah, il y a Moïse Saï qui était souvent blessé aussi. Quand il jouait, il était inconstant. Enfin. T'avais pas de prêt à Sébas. Mais Sébas, il était pas destiné à jouer en win à ce moment-là. Ah, Sébas qui a fait 2-3 fulgurances, mais c'est sûr que c'est pas lui qui allait prendre. Enfin, il aurait peut-être pu, mais bon, ça aurait été vraiment un miracle. Voilà. Donc c'est dommage en fait, hein, parce qu'il. Motiba. Motiba, on l'avait oublié. C'était pour le citer, parce que. Une approche un tout petit peu moins bruine et un tout petit peu plus raisonnée aurait pu produire de meilleurs résultats. Je pense qu'il n'y avait aucune urgence à vendre un mec comme Bellegarde, effectivement, ça aurait un peu challengé tous les autres au milieu de terrain. Mmh. C'était d'autant plus frustrant qu'un type comme Bellegarde a aussi, pendant très longtemps, été lui-même assez frustrant. On sentait qu'il y avait quelque chose, mais il arrivait toujours à s'embrouiller, à faire son dribble de trop, etc. Et il faisait de temps à autre des bonnes séquences, mais c'était jamais vraiment la grande régularité. Mais il a pas de pile d'un coup, le mec devient un rythme de croisière où on se dit putain, cette année ça va être le patron de l'équipe et il part le 31 août quoi. Mmh. Et si ce gars-là était resté, je pense que notre saison elle aurait été très très différente. D'une part parce que lui il aurait apporté quelque chose et d'autre part par la simple émulation du fait que les autres milieux de terrain, ils ont Bellegarde à côté. S'ils veulent un peu briller, se faire remarquer et ne serait-ce qu'avoir une place de titulaire, ils ont intérêt à monter le niveau. Mmh. Alors que là t'as Doucouré qui peut se permettre de faire des matchs médiocres milieu de terrain, mais qui a quand même fait, je sais pas, 15 ou 20 titularisations à ce poste, ce qui démontre vraiment que le niveau était très très très très faible. Mmh. On va peut-être juste finir sur, pour faire la transition avec la rubrique à venir, Patrick Vieira, genre complice ou victime Patrick Vieira, il a eu quand même quelques sorties médiatiques qui avaient été remarquées, notamment pour le COP avec une belle banderole. Qui a repris une citation, c'est sur les joueurs d'expérience, c'est mieux quand on en a, un truc comme ça. Oui, ouais, je sais. Et il y a 2-3 conférences de presse où il s'est presque plaint publiquement que l'effectif ne lui convenait pas en l'état, que la structure de l'effectif ne lui convenait pas. C'est difficile de lui donner tort en même temps. Oui, c'est tout le monde le voit. Ah ouais, c'est sûr que là, je pense que le caractère de Vieira n'est pas de faire des déclarations à la Loret ou à la Antonetti ou de partir au clash comme Stéphane. Il a l'air beaucoup plus conciliant, beaucoup plus posé, beaucoup plus diplomate. Mais effectivement, même lui, à demi-mot, Stéphane l'avait fait la saison précédente, réclamait du renfort d'expérience. Enfin, genre, ça a quand même transpiré à de nombreuses reprises en conférence ou ailleurs. Vieira, ouais. Je suis un peu partagé sur Vieira. J'avoue, j'ai pas trop vu où il voulait en venir, mais d'une certaine façon, les articles, notamment l'automne dernier de l'excellent Knack 90, avec qui je suis pas d'accord sur tout, m'ont un peu convaincu que quand même, en fait, il arrivait quand même à tirer quelque chose de ce qui était mis à sa disposition. Donc, sans faire de mauvais jeu de mots avec lui, j'en suis un peu sur l'histoire de Vieira à moitié plein, à moitié vide. Et en fait, je sais pas trop ce qu'il en est. Ce qui est certain aussi de son point de vue, c'est que il sort de deux expériences mitigées à Nîmes et Crystal Palace. Nice. S'il veut à un moment s'ancrer dans cette carrière d'entraîneur, il a plutôt intérêt à passer 3-4 saisons dans un club. Pour se faire un CV, un pédigré, plutôt que d'être l'éternel mec instable qui dépanne pendant un an ou un an et demi à droite et à gauche. Donc en fait, ça peut le rendre aussi peut-être un peu excessivement conciliant avec Blouko, même si au fond de lui, évidemment, je pense qu'il tout entraîneur préférerait avoir une équipe un peu plus expérimentée pour jouer les premières places du championnat, plutôt que de faire la pouponnière. Juste si je peux faire un aparté là-dessus, je pense que tout entraîneur élargit tout staff, et même un entraîneur des gardiens, je pense que je suis quand même très surpris qu'on veut nous faire croire qu'un entraîneur des gardiens ne veut pas de recrues de gardien d'expérience. On en parle après, justement. Ne veut pas, parce que bon, c'est un. On prépare la transition, c'est bossé. Ouais, mais... bah ouais, évidemment. Mais Vieira, il a un profil quand même formateur, parce que finalement, c'est... Enfin, il est recruté pour ça. Il a commencé sa carrière d'entraîneur par la formation City, Manchester ouais. City. Et même tout le staff, en fait, il est calibré pour de la formation, pour de la progression individuelle. Là, c'est, cet été, puisque je me permets aussi de transitionner, on a fait partir Paul Nevin, là, le sosie d'Eric Judor, qui est adjoint de Southgate, parce qu'a priori, son profil n'était pas de faire de la formation, il préférait travailler avec des joueurs plus expérimentés. Ah non, parce que moi, j'ai pas tout suivi, là. J'ai lu un interview, franchement, j'ai rien compris, celle de la semaine dernière, Eric Judor, il est parti. Oui. Il est pas juste parti à l'Euro avec. Non, il est adjoint de Southgate depuis que Southgate ouais. est là, ça fait quelques années. Donc oui, voilà. Donc, ça, c'était dans le deal. C'est un peu le Vincent Collet des voilà, Anglais. Voilà. Mais il est parti, mais il reviendra plus. Non, il reviendra plus. Il a été remplacé par un autre adjoint. D'accord. Donc il a été dégagé. Par Reginald Rennes. Reginald Rennes. Oui. Régime de Calais, ça. Il a joué au Mans, il a beaucoup joué en Ligue 2, à Guignon. Il y avait un mec grec qui s'appelait Akaya quand il nous avait battu en couple. Ah, le capitaine, ouais, comment Régine. Il s'appelait Régina, non? Ouais, je sais plus, mais. Non, mais c'est pas lui, je pense. Ouais, non, je vois sa tête, c'est lui qui a soulevé la Coupe de France avec Landreau. Avec Landreau, ouais. Ray, il aurait pu jouer au stade à Nice, mais. Donc, on avait... Aïe! Ouais, ouais donc d'accord. Ben. Ça tombe bien. Le staff. Il y a du remous dans le staff. Alors. S'il y a une chose. Réginald de Beek. Réginald Beek, ouais. Il y a peu de Réginald qui joue au foot, ouais. Même il y a peu de Réginald. C'est classe comme prénom. C'est original. C'est une chose qu'on ne peut pas reprocher à Blouko ou à Marc Keller, en tout cas à celui qui fait le staff, c'est de ne pas avoir doublé tous les postes, par contre, sur le staff. On a quand même un staff de première ligue. Ah, c'est clair. Voilà. Donc là, effectivement, quand Marc Keller dit, genre les gars, ils croient dans le projet. Parce que. Ils croient, bah, exactement. Parce que Marc a l'air pas. Ils croient les bâtons. Parce qu'il y a du staff, effectivement. Quand Patrick Vieira est arrivé avec son staff, c'est l'armée mexicaine. Par contre, là, on est un peu perdu. Donc, effectivement, tu dis ouais. Eric Judor est parti. Oui. Hein, puisque tout le monde le connaît sous son pseudo. Paul Nevin. Comment il s'appelle ? Stéphane Cassar. Est parti. Stéphane, alors j'aurais préféré le garder pour après parce que. Non mais vas-y, balance là, c'est bon. Voilà, mais j'allais balancer, mais justement quand on parle de staff, je pense qu'il faut distinguer le staff sur le terrain à la Méno, son entraînement de la Méno, ce qu'on voit tous les jours, mais ce qui compte, c'est surtout ce qu'il y a au-dessus, ce qui dirige finalement. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, alors on a déjà parlé plusieurs fois depuis plusieurs radios Stubb, dans le conseil d'administration du Racing, il y a les deux directeurs sportifs de Chelsea, donc il y a Paul Winstanley et Lauren Stewart. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lauren Stewart, c'est lui qui gère l'opérationnel au Racing. Et ça, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est pas un complot. Il se trouve que j'ai rencontré Marc Keller pendant 2h30 fin février, comme d'autres membres d'association, et voilà, c'est des choses, il s'en cache pas. Lauren Stewart, c'est lui qui a le dernier mot sur tout ce qui est politique sportive. Voilà. Et Lauren Stewart, et Paul Winstanley, les deux, travaille en fait pour le groupe Blouko. Ce qu'il faut se rendre compte, en fait, il faut oublier la gestion par club. Il faut voir que c'est une gestion par groupe, comme on le voit par ailleurs dans d'autres modèles de multipropriété. Et Blouko s'est renforcé avec plusieurs personnes au printemps dernier, en février-mars. Il y a notamment Sam Jewell qui travaillait à Brighton auparavant avec Paul Winstanley, hein, c'est le réseau Winstanley, qui est maintenant responsable du recrutement du groupe. Donc en fait, on n'a plus un responsable de recrutement par club, c'est chapeauté par un responsable du groupe, qui après gère le passage d'un à l'autre. Si je comprends bien, le responsable de recrutement de groupe, c'est le mec qui reçoit tous les CV de tous les joueurs que Loïc Désiré suivait depuis 10 ans et qu'on recrute. On va dire que c'est ça. Mais en gros, les cellules de recrutement, ça peut même être Désiré qui bosse pour le groupe, hein, finalement. Il repère un mec quelque part, il dit c'est intéressant de recruter. Est-ce qu'on recrute par Strasbourg directement pour éviter le problème de permis de travail, etc., avec le Brexit en Angleterre? Ou est-ce qu'on recrute à Chelsea pour le prêter à Strasbourg? Ou est-ce qu'on recrute à Chelsea pour le prêter ailleurs? Donc en fait, on recrute plus comme avant pour un club, on recrute pour le groupe, une vision globale. Donc tu as ce Sam Jewell. À côté, tu avais aussi Josh Marsh qui a été recruté, qui lui travaillait à Swansea de mémoire, qui est responsable des prêts, justement. Des prêts depuis les clubs du groupe. Entre les clubs du groupe. Déjà, ça c'est génial. Parce que, En fait, un prêt. Le principe du prêt, c'est que tu le prêtes à un autre club pour qu'on s'en occupe. Là, il y a un gars qui est payé pour monitorer un truc qui normalement ne devrait pas l'être. Et en fait, c'est ça qui, dans ce. Tu l'as dit, hein, c'est un mot que tu as répété à plusieurs reprises. C'est exactement ça. C'est un fonctionnement groupe. Ouais. Tous les radio-stubistes et auditeurs de radio-stub qui ont bossé dans un groupe connaissent ça. T'as des business units avec un opérationnel qui tourne et t'as toujours 5-10 gars au milieu qui tournent comme ça, qui naviguent entre le front et les filiales et qui sont en fait l'œil de Moscou pour vérifier que tout se place. Et sachant que le principe du groupe, c'est exactement, c'est que si genre l'entreprise Strasbourg va bien, mais que t'as envie de privilégier l'entreprise Chelsea parce que tu l'as décidé, tu déshabilles Paul pour habiller Pierre, sans aucun état d'âme, t'en as rien à foutre. En fait, le but, c'est que l'argent aille là où tu veux. C'est plus une logique de, donc, en fait, il n'y a pas forcément de trucs qui profitent. C'est le groupe qui décide où ça profite, et c'est pas le bien-être collectif. Enfin, genre, le but, c'est pas que tout le monde soit content, le but, c'est que le groupe ait du pognon, quitte à ce qu'un mec soit misérable, genre, et que ça finisse en Continental, voilà. Et il y a un truc qui est encore plus pernicieux, c'est que bon, t'as toujours quand même des filiales qui sont des business units qui ont quand même un minimum d'autonomie, mettons une usine. Et dans toutes ces boîtes-là, le top management, celui qui fait tourner la boîte au quotidien, est toujours dépendant des décisions du groupe. Ouais. Donc t'as des trous du cul du groupe qui font la navigation entre les filiales qui sont souvent dans un rang inférieur, qui ont de l'influence sur ces gens-là, qui en fait devraient être ceux qui sont en tête de pont. Et en fait, ça, c'est parce que le groupe, il est déconnecté des réalités, il a besoin un peu d'œil de Moscou qui surveille ce qui se passe. C'est souvent des postes d'ailleurs sur lesquels il y a beaucoup de turnover parce que les mecs se plantent des couteaux dans le dos. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe au Racing, je suis désolé de le dire. Après, il y a aussi des groupes qui marchent parce qu'il y a des vraies synergies, mais les groupes financiers, c'est tout pour ça, c'est exactement ça. On compense entre les filiales, on aspire tout ce qu'on peut dans les filiales suivant qu'on a décidé de jouer à court ou moyen terme, jamais à long terme. Et il y a des mecs qui ont fait des super écoles, qui ont un super réseau dans le milieu, qui naviguent au milieu de tout ça, et dont le boulot, c'est de faire des réunions. Et tu parlais d'œil de Moscou. Parfois, ils font même des réunions pour préparer les réunions. Tu parlais d'œil de Moscou, c'est une bonne transition pour une des dernières recrues. Pour le coup, c'est sorti dans l'équipe il n'y a pas très longtemps. Hein, c'était Radio Choup, hashtag transition. Ah non, mais là, c'est passe décisive, hein, c'est parfait. C'est Pascal de Machelac. Ça fait longtemps qu'on travaille notre duo. Pascal de Machelac. Alors, c'est du flamand, je ne parle pas flamand, hein, c'est une langue atroce. Mais en fait, il a été nommé directeur technique. Et en fait, le mec, il travaillait auparavant à Monaco. Et c'est un mec qui avait été recruté à l'époque à Monaco par Lauren Stewart, qui travaillait aussi à Monaco. Comme de par hasard. Et en fait, ce Pascal de. On va l'appeler Pascal. Pascal de Machelac, on va l'appeler Pascal. Pascal pas. Bagalou. Donc Pascal, il est directeur technique, mais il a un profil de formateur. En fait, à Monaco, il s'occupait des jeunes groupes élites, enfin voilà, la transition entre le centre de formation et groupe pro. Et auparavant, il était aussi à Bruges où il était au centre de formation. Donc il a un profil formateur. Donc quand tu mets un mec comme ça, qui est un peu l'homme de Lauren Stewart, qui doit sa carrière à Lauren Stewart, en gros, c'est pour superviser le centre de formation. Centre de formation où clairement François Keller a perdu un peu de son autorité parce qu'il commence à être un peu chapeauté par. C'est logique, on est dans la logique groupe. Bah évidemment, oui, il n'y a plus vraiment d'indépendance. C'est exactement ce que Chauty m'expliquait. Comment il s'appelle, François Keller. On lui met un rond de cuir qui n'est pas supérieur à lui, mais qui rapporte tout au Big Boss et qui décide tout. Ouais. Tout ça. Dont les affectations des entraîneurs au centre de formation qui, entre. Les propositions de François Keller en fin de saison dernière et ce qui sera effectif la saison prochaine, ça a un peu changé. Un mec excellent comme Stéphane Guédé, qui était entraîneur en 2017 depuis quelques années au centre de formation, qui a eu des résultats, il était limite premier de son groupe. On voit beaucoup dans une série de vidéos que le club avait fait. Voilà, mais qui est un super entraîneur, une référence en France quasiment. L'an prochain, il n'y aura plus d'équipe parce qu'il devait reprendre la réserve. Finalement, c'est Mathieu Lescornet qui a été mis sur la réserve et Stéphane Guédé va se retrouver à faire de... Des PowerPoint. Non, il va faire un peu comme ce que faisait Serge Costa à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la préparation individuelle. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est un placard. Préparation individuelle dans un sport collectif. En fait, c'est pour développer les qualités individuelles de chaque joueur. Ouais, non, mais... C'est des séances en plus, quoi. Mais... Sur toutes les catégories, alors. A priori, c'est ce que j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est que en fin de saison dernière, donc c'était direction du centre de formation qui avait décidé Guédé, réserve, Quentin Auton, U19, Lacour, U17. Sauf que en fait, il fallait prendre, laisser de la place à Mathieu Lescornet, qui prenait à la fois le groupe élite et à la fois la réserve. Et bah du coup, Guédé se retrouve sans rien. Et on le fout. Mathieu Lescornet, il roule bien sa basse. Hein. Ouais, bah, ouais. Mais alors tu vois, c'est là où c'est génial aussi. Enfin, si tu réussis, on dézoome un petit peu. On est quand même passé en moins de 10 ans d'un Racing qui était mais vraiment à l'os, tu vois. En mode start-up. Ouais, où t'avais Romain Giraud qui bossait 120 heures par semaine, qui devait gérer les relations avec la mairie et quasiment nettoyer les chiottes en même temps, quoi. Enfin, on exagère à peine. Hein. Ouais. Où effectivement, au centre de formation, ils étaient 3-4 gus et ils faisaient tourner la boutique. Et là, maintenant, t'as tous les postes qui sont doublonnés, triplonnés, t'as des mecs qui sont sur des voies de garage, t'as un directeur technique et un directeur sportif, t'as clairement une ou deux écuries avec des mecs qui sont payés juste pour surveiller le taf des autres, et donc évidemment, ça engendre toutes sortes de trucs d'inertie. Ah oui, mais alors, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a la validation de bidule? Enfin, tu vois. Et en fait, c'est incroyable comme l'organigramme est en train de se scléroser, parce que ben, faire rentrer des gens un peu différents qui amènent quelque chose de l'extérieur, ma foi, pourquoi pas, hein, je veux dire, à Strasbourg, on n'a pas la science infuse, mais de cette façon-là, sans lourder ceux qui étaient là, en les gardant, parce que bon, il y a un peu d'inertie, puis ça coûterait trop cher de les virer, on espère qu'ils vont partir d'eux-mêmes, on finit par faire un espèce de système explosif où il faut inventer des places pour des gens aux chausse-pieds, et ce qui nuit au bon fonctionnement de l'organisation, ça me semble absolument évident. Quoi. Ouais. Je vous laisse transitionner, chercher la bière fraîche. Si on parle du staff, on peut parler de Cassard. Cassard, bah, le scud, les Cassard. Putain, de Sébastien Jiménez. On peut commencer par déjà le départ de Cassard, parce que c'est... j'ai l'impression que médiatiquement on essaie de le faire passer pour un traître qui s'est barré un peu au dernier moment. Oui, comme Sels, comme un peu tous. Comme tous ceux qui vont partir, hein. Donc ouais. Voilà. C'est... Et en fait, Cassard, ça c'est pas. Je crois que c'était sorti qu'au départ ils étaient entendus sur une prolongation de 2 ans jusqu'en 2026. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement il y avait un accord oral sur une prolongation de contrat. Sauf qu'à ce moment-là, c'était en mars-avril, enfin au printemps, quoi. Sauf qu'à ce moment-là... Il n'y a plus de saison, mon bon monsieur. À ce moment-là, Cassard, il avait demandé à ce que le Racing fasse un effort sur un gardien plus expérimenté. Parce qu'il avait un peu mal digéré le fait qu'on lui mette sur le dos que Pélarouche numéro 1, c'était lui. Alors que quand tu perds ton gardien titulaire le 31 janvier... Et que t'as deux alternatives, c'est soit un jeune gardien finlandais prêté par Chelsea ou Mathieu Dreyer, bah tu mets Bélarouche, t'as pas le choix. Il a dit Bélarouche était prêt. Non mais. Oui, non, mais t'as le couteau sous la gorge, c'est soit un jeune gardien finlandais qui parle pas français. Oui, non, mais en même ou temps. Mathieu Dreyer. Après, je pense, enfin, même, pour juste revenir à parenthèse sur ça, Cassard, il a son groupe de gardiens depuis. voilà, il connaît Bélarouche. Je pense qu'il pensait qu'il pouvait jouer. Après, est-ce que si on lui avait demandé son avis, est-ce qu'il faut garder Sels ou mettre Bélarouche titulaire? Je pense que sa réponse aurait été on garde Sels. Non, mais Sels, il partait. Après, derrière, il va pas non plus. Genre, tu vas pas non plus dire carrément, genre, s'il avait dit non, Bélarouche, il est pas prêt, le mec, faut pas le faire jouer. Ouais. Faut absolument recruter. Alors qu'en plus, tu sais que tu peux pas recruter. Mais si, oui, un gardien finlandais. C'est soit le finlandais que Stewart voulait faire venir, Lucas Bergström, hein, vous regarderez. Et ce qu'il a fait cette saison surtout, et Mathieu Dreyer, c'est tes choix de recrutement, bah voilà, c'est tu prends plutôt le mec que tu connais, que t'as préparé toute la saison. Voilà, même si tu sais qu'au fond de toi, il sera pas forcément prêt tout de suite, mais voilà, c'est, pourquoi pas. Bah, tu sais, enfin, je pense qu'il pensait qu'il avait fait le maximum pour qu'il soit prêt. Après, personne n'est jamais prêt à. Oui. Il a forcément un biais parce que c'était son travail, donc il s'est dit bon, lui au moins je le connais. Enfin, ouais. Cet axe de communication est quand même drôle parce qu'il y a certains supporters qui ont compris ça dans le sens où Cassard a refusé le recrutement. Le mec qui est en train de gardien, il doit avoir les meilleurs joueurs à sa disposition. Ouais. En l'occurrence, il a les meilleurs gardiens à sa disposition. Moi, je pense que quand ils ont voulu prolonger Cassard, quand ils ont proposé le contrat, l'accord oral, c'était ok, mais on recrute un gardien plus expérimenté, on ne repart pas avec Bélarouche pour la saison qui vient. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un ok de principe de Marc Keller, sauf que ça n'a pas été validé au-dessus. Et du coup, Cassard, il s'est dit non, je ne reste pas là, j'ai l'opportunité d'aller à Nice, je me casse à Nice. Bah, je pense que quand t'as, en ce moment, au Racing, quand beaucoup de monde a une opportunité de partir, l'ambiance n'a pas l'air géniale. Non. C'était déjà pas génial non plus avant, on va pas se mentir, hein. On vit pas dans un rêve avant que le club soit vendu à Blouko. Aujourd'hui, ça sent le panier de crabe. Ouais. Clairement. Juste pour revenir à Cassard, juste finir. Ouais. C'est genre, on lit l'interview de Marc Keller dans le DNA, je crois, oui. Où il enfonce un peu Cassard et, c'était qui l'a enfoncé le deuxième Cels. Et Cels. Il remet une couche sur Cels. Ouais, voilà. C'est un petit peu. Ça m'a donné l'impression de genre, dont j'ai tenté le coup de poker, on ramasse l'argent sur Cels, on met Bellaouche le jeune. Si ça passe, j'ai donné ma chance aux jeunes, c'est la politique du groupe, bravo moi, ça passe pas. C'est la faute à Kassar et Cels, c'est eux les méchants. C'est un peu genre, le mec il explique à longueur de journée que son projet c'est de faire jouer des jeunes, mais quand il y a un jeune qui marche pas, c'est la faute du mec qui est parti et la faute du mec qui a dit qu'il fallait faire jouer le jeune. Ah, c'est un peu facile, Marco là. Et ce qui est aussi intéressant, juste pour finir sur cet entraîneur des gardiens, le remplaçant de l'entraîneur des gardiens, donc c'est Sébastien Jiménez, qui était à Nîmes pendant très longtemps, qui était dernièrement à Monaco, et qui l'a recruté à Monaco à l'époque pour s'occuper des jeunes gardiens du centre, et ben c'est notre ami Stewart. Ouais. Donc là, tu commences à avoir l'écurie Stewart au Racing. Au Racing, ouais. Ouais. Ce qui finalement est totalement logique, hein, genre, il n'y a pas... Il y a rien, en fait, rien de... Là, je pourrais faire le JP d'Arki en disant... C'est pas illégal, genre, non, c'est bien. Todd Bully l'a annoncé, genre que l'objectif c'était ça, ça et ça. Les méthodes de Blueco, c'est un groupe financier qui s'est lancé dans le football comme il s'est lancé dans un autre sport américain qui applique ces méthodes. En fait, rien n'est surprenant, sauf pour les gens qui voudront se laisser surprendre. Oui, et après, t'as des gens toujours qui relativisent à chaque fois, qui vont dire... C'est normal, bah c'est un nouveau propriétaire, il place ses hommes, la politique c'est des jeunes. Est-ce que c'est ses hommes ou est-ce que c'est ceux qui payent très cher? Parce qu'en fait, en vrai, il ne sait pas du tout comment ça se passe. Et donc là, il a misé sur l'écurie Stewart et dans 6 mois, il fera peut-être autre chose. Qui a misé Blueco. Ouais. Oui, ok. On en a vu des gars comme ça qui changeaient d'avis, un peu le russe de Monaco au début, il a aussi beaucoup tergiversé, tu vois. Avant Campos. Voilà. Donc c'est un peu. Tu sais, il y a un mélange entre. D'un côté, c'est censé être des super financiers hyper sophistiqués, et de l'autre, c'est... Tu choisis des mecs qui... Alors, ils ont... enfin, il faut leur laisser, à Blueco, je veux dire. Ils ont l'air de faire confiance à des mecs du football, qu'on aime ou qu'on n'aime pas leur méthode, notamment même en gardant Marc Keller. Je veux dire, on est loin d'un... Enfin, on n'est pas encore au niveau d'un Kita qui met des agents... pour gérer la politique sportive du club. Ou qui fait signer le fils d'un agent, comme ça s'est passé. Voilà, là, on est dans du business 100%, avec tous les biais qu'il peut avoir, c'est-à-dire que les mecs n'y bitent rien en foot et que ça les intéresse pas. Donc, ils ont pris des gens qui payent très cher parce qu'ils pensent que c'est les mecs qui vont pouvoir faire avancer, à tort ou à raison. Mais on n'est pas encore dans l'amateurisme de palais africain, mais je crois que c'est racisme quand on dit ça. On peut dire un truc pour genre Charles Pasqua dans un Gabon. Un truc comme ça. Voilà. Kitane n'est pas là, il aurait aimé. Le népotisme. Voilà. Bon. Au niveau du staff, est-ce qu'on a encore un peu des mecs comme ça qui sont sortis du chapeau ou qui dégagent? On a parlé de Réginald Ray. Après, non, je pense que c'était tout. Non, moi, j'ai personne d'autre. Il y a une liste, je vous dis. Pour la transition, il y a du boulot, Alex, à bosser là. Il y a pas mal d'analyses vidéo. Je crois qu'il y a 3-4 analyses vidéo. Il y a 3 préparateurs physiques, des kinés, il y en a 4. Non, mais c'est ça. Enfin, ça devient ridicule, quoi. 4 kinés? Ah ouais. Ah, c'est staffé comme un club de première ligue. Après, on s'est plaint pendant longtemps qu'au Racing, je me rappelle, quand Stéphane est arrivé, il était venu avec un analyste vidéo, là où il en avait 3 à Rennes. Oui. Et genre, c'était le premier au Racing. C'était déjà une révolution d'en avoir un. Non, il y a Sébastien Roy qui faisait aussi d'analyse vidéo. Oui, mais il n'était pas analyste vidéo. On lui avait confié la mission. Oui, c'est... En plus. Il n'était pas 100%. Ouais, voilà. Genre, on avait truc. Maintenant, le mec est arrivé avec un mec et il disait, ouais, mais à Rennes, j'en ai 3. Bon, aujourd'hui, on en aura 10. Mais. Mais en fait, le staff hyper étoffé comme ça. Ça montre aussi qu'on est là pour faire du développement individuel du joueur, de la production de joueurs. On peut individualiser le plus possible le travail pour faire progresser des joueurs. Limite, même s'ils ne jouent pas, ils peuvent progresser. Eh ben, c'est une excellente question. En parlant de joueurs qui ne vont pas jouer, est-ce qu'on ne partirait pas un petit peu sur le mercato où Alex Coe nous a préparé une liste? Ne vont pas jouer, Sissoko déjà. Ah oui, alors on peut faire les départs. Sissoko, en rapidement, Sissoko, genre, est-ce qu'on est triste qu'il parte? Un petit peu, mais est-ce que sportivement, on y perd beaucoup? Bah, c'est limite notre meilleur milieu de terrain l'an dernier. C'est ça qui fait peur, mais. On va pas faire des larmes de crocodile sur Sissoko. C'est un peu la mascotte quand même. Ça aurait pu être un joueur de club, ça l'a pas été, il a eu des hauts. 6 ans. 6 ans, oui, après il a jamais été au niveau de ce qu'on en attendait. Non, mais il a fait des bonnes périodes. Il part, il a écrit un texte police douce, fonte en blanc sur une image dégueulasse. Bon, ça, genre, là il pourrait prendre un mec du staff pour lui écrire son message de départ. On peut conclure pour dire, je suis assez curieux de ce qu'il va donner en Bundesliga en fait. Je sais pas. Après, moi, c'est un joueur attachant. Moi, j'avais déjà marqué sur le tout, mais il a l'ADN du club. Une fois en haut, beaucoup en bas, des fois au milieu. Oui, c'est pas fait. Voilà. Ça rejoint Motiba aussi un peu. Motiba départ, pareil, Motiba, on aurait tous voulu qu'il soit bon. Bon. il a pas eu de bouquet de fleurs. Ouais. Non, ben bon, Motiba, de toute façon, faut être honnête, Motiba, personne ne l'aurait prolongé autour de ça. Est-ce qu'il n'est pas parti déjà il y a 3 ans? Oui, c'est ça. Oui. Alors, on se souviendra de son chant aussi à Motiba. Bah, ouais, voilà, bah oui. Aoulou s'est fait aussi. Aoulou est parti à Angers, ouais. Voilà. Bon, ça c'est pareil, c'est aussi un. Alors, ce que je retiens d'Aoulou, finalement, c'est son premier départ à Monaco, où avec sa vente, qui était la première vente d'après dépôt de bilan, et c'était la plus grosse vente. Finalement, on construit Sels, Mitrovic. On construit l'équipe qui fait notre succès de la fin des années 2010. Oui, la Coupe de la Ligue. Ajor, Thomasson, tout ça, ça vient grâce à recette de Daoulou. Ouais. C'était déjà Stewart à Monaco là qui l'avait acheté ou si on fait vraiment une théorie du complot, c'est jusqu'au bout. Tout avait commencé à ce moment-là. Je crois qu'il est d'accord dans le groupe Red Bull. Ah merde, dommage, ça aurait été drôle. Ouais, et puis après il y a tous les joueurs avant Bouco, hein, donc tous les cadres avant Bouco, donc Doucouré, Diarra, Perrin, tout ça c'est dans les rumeurs de départ. Va partir. Le cas Doucouré est intéressant parce que ça fait quand même des semaines que ça hurle à tue-tête qu'il veut se barrer quoi. Donc il va finir par se barrer, hein, soyons clairs. Parce qu'il se dit, on refuse une première offre. Il s'entendait pas avec Vieira d'après ce qu'il se disait. Hein. Bah, il s'entendait bien au début et ensuite plus. Et tu vois, c'est là où. En même temps, alors là, sur ce coup-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de position. Il y a une position tranchée à avoir. Genre, Doucouré, il n'a pas à s'entendre avec Vieira et il a à faire ce que Vieira lui dit. Genre, le mec, il a 20 ans. Alors, ok, d'accord, il a une coupe de cheveux sympa, mais c'est Patrick Vieira. Genre, le mec, ou alors tu fais coach, oui. Doucouré, quoi. Genre, Non, mais c'est là où on en revient au point d'avance. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que tu dis est très vrai d'un point de vue normatif. C'est-à-dire, si c'est le petit jeune qui fait. Qui est parfois titulaire, parfois pas, et qui a besoin de se faire sa place, évidemment, il va beaucoup plus ravaler sa salive et écouter ce que le coach lui dit. S'il sait que de toute façon, il a une place de titulaire garantie, bah, il va faire sa mauvaise tête, c'est inévitable, et c'est pas un jugement contre Doucouré. On ferait pareil. Donc Doucouré, je pense, finira par partir. Ouais, pour moi, je le compte dans les déjà partis. Est-ce que Diarra va partir? Ça serait quand même une belle. Ça serait genre les deux porte-étendards du projet qu'on a pu garder grâce à l'argent de Bluco et qui incarne l'avenir pour construire qui partiraient parce que on les a gardés un peu contre leur gré, qu'ils ont fait une saison très moyenne et que derrière on va les monnayer avant qu'ils ne vaillent plus rien. Ça serait pas très bon au niveau. Ils ont des contrats longue durée, enfin surtout Diarra, il a prolongé, il a un contrat assez longue durée, donc on peut se permettre encore de pas le vendre. Perrin a plus qu'un an de contrat, par contre. Perrin a un an de contrat. Bon, Perrin, il jouera plus jamais. Hein. Bah, tout dépend ce qu'on recrute. Là, pour le moment, on n'a pas encore recruté de défenseur central. Ni d'attaquant. Bon, on n'a rien. À part Lukovic, on n'a rien recruté, en fait. Non, ah, oui, et pas Daouda Diong, mais ouais, on va faire un focus dessus. J'avais les arrivées, alors j'avais lu qui est confirmé pour l'instant à Lukovic et Daouda Diong. Ouais. Donc, alors problème de visa, Diong. Alors, Lukovic, donc lui, il est souriant. Il est serbe. Ça nous montre un serbe, en effet. Ça fera plaisir à la Ouest. Certaines parties de la Ouest. Toute la Ouest, tout le monde aime avoir un serbe dans son équipe. Toujours sympa. Sauf les Croates. Ouais, et les Albanais. Oui. Voilà. Mais je sais pas, il a l'air fort sympathique. Franchement, on s'en serait réjouis il y a quelques années. Sauf qu'effectivement, comme je disais, si c'est pour se le coltiner alors que le mec sera pas prêt parce qu'il faut le faire jouer parce qu'on l'a recruté, bon. Ouais. Et donc, Pape Daouda Diong, qui est un nom sympa, hein, j'apprends. On parle depuis. On a parlé au dernier Radio Stoub. C'est le mec qui avait visité Chelsea. Ça fait des semaines que je vais faire un article complet là-dessus parce que l'histoire, elle illustre tellement ce que c'est un recrutement groupe et ce qui se voit aussi ailleurs. Je le disais aussi dans le groupe Eagle, donc de Textor, avec l'histoire de Thiago Almada qui va signer à Botafogo pour transiter à Lyon. C'est des choses qui sont permises aujourd'hui par les règlements. Et en fait, Diong, c'est que lui-même, enfin son club qui a signé un partenariat avec Chelsea le 2 mars, donc l'académie Darou Salam de Dakar qui a signé un partenariat avec Chelsea. En fait, ça n'a aucun lien avec le Racing parce que dans la communication de cette académie, il disait que Diong allait à Chelsea. Il posait avec le maillot de Chelsea. En attendant d'avoir 18 ans, il logeait dans le centre d'entraînement de Chelsea, centre de formation de Chelsea. Il était à Stamford Bridge, etc. Et le mec, il allait à la Méno, première fois qu'il allait à Strasbourg, c'était l'avant-dernier match à la Méno, je ne sais plus contre qui. Le mec, il se dit, putain, Londres, ça a changé. La Grand Roue, elle est vachement loin, là. Ce que je veux dire, c'est que le mécanisme de recrutement groupe, c'est que maintenant, depuis qu'il y a le Brexit, les joueurs étrangers ont besoin de points, ce qu'on appelle, ils ont un système de points. Donc, il faut avoir joué dans un championnat assez important, suffisamment pour avoir un niveau de points qui permet d'avoir le permis de travail pour jouer en Première Ligue. Alors, il y a des dérogations pour les U23, mais qui peuvent jouer que dans les championnats U23 réserve de Première Ligue. Mais si tu veux le faire jouer en première division, c'est pas possible, parce qu'il faut avoir ce permis de travail réservé pour le pro. Et donc, ce que font l'avantage de la multipropriété à ce niveau-là, c'est que tu le fais transiter par ton club vassal, pour qu'il joue suffisamment, qu'il accumule les points, puisque la Ligue française permet d'avoir des points, plus de points que le championnat, je sais pas, albanais ou bulgare. Et du coup, s'il fait une saison pleine à Strasbourg, ben derrière, il peut prétendre au permis de travail britannique. Donc pour Chelsea, c'est un avantage, c'est que tu peux le recruter via Strasbourg, t'es pas obligé de le recruter en direct, et t'as pas à gérer un prêt dans un autre club. Parce que les prêts, ils sont limités. En plus, tu sais qu'à Strasbourg, Vieira, il le fera jouer si tu lui dis. J'allais y venir. C'est-à-dire que c'est là où ça fausse encore plus le truc et où on peut revenir à la déclaration d'un gars comme Perrin. C'est que si Chelsea voit un intérêt à Diong, bah, en fait, on va être très clair. Il y a un ordre qui partira, qui dira il faut le faire jouer, quel que soit son niveau. Ouais. S'il l'avait prêté à un club qui n'était pas leur club filial, si le gars pédale un peu dans la choucroute et que l'équipe joue le maintien, bah l'entraîneur va dire bah écoutez là le jeune qui a été prêté par Chelsea il a sans doute un super potentiel mais moi je préfère mettre trois mecs de 30 ans qui mettent le pied parce qu'il faut le maintenir. Là ça va être genre ah non mais vous comprenez c'est important pour Chelsea et évidemment on va habiller ça avec toutes sortes de prétextes parce qu'on n'osera pas le dire publiquement mais c'est ce qui va se passer c'est-à-dire que si Chelsea pense que le gars a un potentiel et qu'il lui manque 5 points en fin d'année et qu'il faut qu'il joue 4 matchs même si on est un peu la rate au courbouillon. Bah en fait il va jouer et bon alors c'est pas le même poste que Perrin mais en fait ça revient au même l'équivalent du Perrin bah en fait le gars il est peut-être meilleur c'est peut-être un bon pro qui a envie de s'inscrire dans le club mais il va se faire doubler par la droite par un produit spéculatif et Bluko juste pardon parenthèse Bluko voulait faire la même chose pour Pedro Lima le latéral droit brésilien qui était annoncé proche de Strasbourg donc acheté par Strasbourg mais dans l'optique groupe côté d'Erstein proche de Et pour le coup, Bluko s'est fait doubler par Wolverhampton. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est le mec de l'équipe qui fait un malin plaisir à balancer des saloperies sur Twitter, là. Mais en fait, le recrutement de Pedro Lima s'inscrivait dans la même logique. Et sauf que là, c'était un latéral droit. Donc, ça voudrait dire que, officiellement, c'est Racing qui l'achète pour le groupe. Mais latéral droit, tu dois le faire jouer. Bah tu fais quoi tu vires Senaya, tu vires Gilbert alors que finalement ça colle pas du tout aux besoins sportifs de l'équipe. En matière de pépita, c'est vrai que j'y ai pas pensé avant, mais on avait une catégorie que j'ai oubliée, c'est les Brésiliens, les Santos Angelo. Alors Santos, c'est vrai que le mec c'est un peu le connard qui démonte tout le monde parce que c'est un peu le mec qui nous sauve la fin de saison parce qu'il sait jouer au foot. Par contraste, oui. Oui, voilà. Non, parce que du coup, il est arrivé, et là, t'as l'argument tout trouvé, dire, vous avez vu, parce que si on nous l'avait pas prêté, on avait personne au milieu de terrain. Si on n'avait pas vendu tous les joueurs. Mais c'est vrai qu'Angelo, on a vraiment eu l'impression que le mec, il avait un espèce de contrat, il fallait qu'il joue tant et tant de matchs avec Strasbourg, et que derrière, le mec n'en avait strictement rien à foutre, et que dès le moment où il a pu se blesser et ne pas revenir, c'était fini. Ouais, mais c'est un peu le principe du prêt. Enfin, les prêts, oui, ça n'a jamais été formidable. Le mec qui a marqué Chelsea, en fait, c'est fini, quoi. Je veux dire, si. Quoi qu'il arrive, il revient à Chelsea. Oui, et puis surtout, enfin, Chelsea, tu vois, nous, on est supporters du Racing, donc évidemment, Chelsea, on n'a rien à foutre, mais pour quelqu'un qui suit le foot, entre Chelsea, qui a gagné deux Ligues des Champions, qui est un club anglais de première ligue, et Racing Club de Strasbourg, bah, t'as beau avoir le maillot du Racing Club de Strasbourg, quand tu sais que t'es sous contrat avec Chelsea, tu vas penser qu'à Chelsea. Moi, ça m'est arrivé en vacances, au Maroc. Que les gens prennent mon maillot du Racing Club de Strasbourg pour un maillot de Chelsea. C'est vrai. Ça c'était le maillot de 95. C'était pour te rendre un tour. C'est... Ouais, mais sans Tourtel, du coup. Sans sponsor. Ah oui, le mec, il me disait, dans la rue, il me disait, hey, Chelsea, parce que c'est la grosse année de Chelsea, je vous connais, c'était il y a quelques années. Et je me suis dit, bah non, Strasbourg. Voilà, déception un petit peu chez les vendeurs de rue. C'était pas Todd Bully, t'as vu, donc. Alors qu'on a gagné la Coupe Intertoto en 95, on a aussi gagné une Coupe d'Europe. Ouais. Non, mais voilà, enfin, si on te. Mais j'avais peut-être marqué Leboeuf dans le dos aussi, tu vois, genre, mais non. Ah oui, ça prête à confusion, en fait. J'avais la Coupe de Leboeuf à l'époque. Pas du tout, ça. Voilà, retour sur cette En musique. Ah putain, ça donne envie de voter RN, ça. Oh putain. Tu n'es pas dans le bon arrondissement. Ah oui, non, c'est vrai, on est dans la République Populaire d'El Neudorf. Voilà. Ici, c'est le Rassemblement Neudorf, uniquement. C'est ça. Bon, alors, on recentre. Permaculture et tout ça. Angelo Gabriel. Qu'est-ce que je vais dire sur Chelsea? Est-ce qu'il reste, est-ce qu'il reste pas? Tiens, vite fait, parce que. Non, il repart, hein. Il repart, oui. Il repart, mais il repart où? Parce qu'il va pas à Chelsea. Bah, je sais pas, il va remettre remettre le nez dans les nichons gonflés de sa nouvelle. Non, mais attends. mais Chelsea, ils ont un cheptel de 70-80 joueurs, hein. T'as des joueurs qui. Ça m'étonne qu'ils aient pas acheté un troisième club, en fait. Tu vois, je sens qu'il y a un. Bah, ils vont le faire. Ouais, c'est vrai que ça, c'est pareil. Ça, ne serait-ce que parce que ça leur coûte trop cher en masse salariale de mecs qui savent pas stocker ou mettre, tu vois. Ouais. Mais il y a plus de place à Chelsea. Non, mais il y avait cette histoire quand Pochettino est arrivé. Les premiers entraînements, ils étaient obligés d'avoir deux vestiaires parce que tout l'effectif de l'équipe première ne tenait pas. Tonnelle à côté du centre d'entraînement. Non, mais ça paraît drôle, mais c'est symptomatique. Ils avaient besoin de deux vestiaires pour faire tenir tout l'effectif pour l'entraînement. Alors qu'en ce moment, à Strasbourg, un demi-vestiaire, genre Markeller utilise la moitié du vestiaire pour faire. Ça dépend, il faut la place pour les doudous quand même, les couches, tout. La nursery. Voilà. Et bon, et donc Angelo Gabriel, bon, genre non sujet. Santos, a priori, le nouvel entraîneur de Chelsea, Maresca, voudrait le voir lors de la préparation. C'est ça, le Racing a dit genre, on voudrait bien le récupérer, et les autres ont fait genre, ah, on va quand même regarder d'abord. Ouais, d'abord, ouais, c'est ça. Et là, est-ce qu'on se sent pas sale quant à ça? Genre, les mecs disent, il fait la préparation avec nous, et bon, voilà, si voilà. Vraiment. C'était déjà le cas avec Angelo. Mais en fait, c'est purement logique, en fait. Oui, logique de groupe, hein. Ouais, non, mais même si tu veux faire triper les gars sur Chelsea, il faut qu'ils jouent un peu avec Chelsea, donc voilà. On continue. Alors maintenant, on a des rumeurs. Est-ce que tu vois des noms exotiques? Est-ce que tu veux qu'on balaye toutes les rumeurs? Et si vous avez un truc à dire dessus, vous m'arrêtez. Il y en a une qui est sortie aujourd'hui. On connaît pas les gus. Caleb Wiley, 19 ans, non? Comment, pardon? Caleb Wiley, je le dis peut-être mal. Non ouais, il y a peut-être des trucs qui sont plus. Alors j'ai tout repris sur le Stoub, il y a des trucs qui sont peut-être plus d'actualité ou déjà signés. Le Stoub est le site le plus complet sur le Racing déjà signé et Chelsea. Il y a un topic sur. Il me semble, ouais. Faut que je le lise le nom, parce que là, comme dit comme ça, ça me dit rien. Wiley, peut-être. Bon, c'est pas aussi. Caleb, c'est pas un prénom hyper. Julien Ponceau, bon. Ça, j'y crois pas trop. Amir Richardson, on a déjà beaucoup parlé. Ça, a priori, c'est plus avancé. Amir Richardson, on a des infos sur lui. Il joue au hand. Non, mais c'est le fils d'un basketteur. D'un ancien basketteur professionnel qui a joué en NBA. Ah, d'ailleurs, double. Bon, rien à voir. Deux Français à la draft. On peut en parler. Même trois dans le top 6. Oui. Ramon Sosa, 24 ans. Donc, ah bah, c'est trop vieux. Trop c'est vieux. Un nom random de Football Manager. Voilà, c'est un régène. Attention, il y en a un autre, un Colombien. Archibrand. Ah oui, le latéral gauche qui joue en Belgique. C'est un Anglais, non? Oui. Ça serait pas mal un Anglais. On a déjà vu un Anglais? Je crois pas. Steinrod. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bon. Un nouvel Anglais, ça serait bien. Alexander Pras, 23 ans. Ah, ça, c'était l'an dernier. Ah oui. C'est une rumeur de l'an dernier. Ouais, mais c'est qui est peut-être remonté, mais. Qui ressort. Voilà, Pedro Lima, on en a parlé. Ouais. Mathis Sabline, bon. Non, t'es dessus, mais non, t'as pas d'argent, quoi. Oh, à moins qu'il licencie une dizaine de personnes. Et sur le plus récent, Oscar Perea. Ouais, Oscar Perea, et ça, t'as des journalistes sud-américains, colombiens, qui disent que c'est même en très bonne voie. Enfin, j'ai eu plusieurs gars où c'était en très bonne voie. Oui, non, mais. C'est pas fait. Voilà, c'est. Avec toutes tes pincettes nécessaires. Aaron Anselmino. Oui, ça c'est un jeune Argentin qui a joué deux bouts de match avec Boca Junior et que Chelsea veut recruter pour, je sais plus, 15 ou 20 millions d'euros. En plus, le mec, genre... Deux bouts de match, 15 millions d'euros. Ouais, mais là, 19 ans, ouais. Aaron Anselmino, genre, voilà, genre, Todd Bully qui recrute Ansel. Ça peut être drôle, vrai. Voilà, ouais, j'essaye, je cherche. Hein. Mais il faut intéresser un peu les gens au football, tout à fait. Ouais. Et c'est tout? Mais c'est déjà pas mal, non? Et bon, donc, on est d'accord, ici, un mec qui vient de tous ces noms, c'est pas mal. Bah après, tout dépend en fait ce qu'on va faire. Là maintenant, on va voir. C'est l'année 2 du projet Blueco. Enfin, c'est le troisième mercato en fait. On va voir maintenant vers quoi on se dirige. Enfin, la tendance, c'est clairement, on va recruter du 21 à développer. Si c'est pas du 19 ou du 18, quoi. Bah là, en l'occurrence, Lukovic, c'est 19. Daouda Diong, il vient d'avoir 18 ans. Ouais. Non, mais c'est déjà, c'est pareil. Enfin, c'est un truc qui est annoncé depuis l'automne dernier. Et il y a encore des esprits un peu retors sur le Stoup qui nous disent, mais non, mais pas du tout. Oui, on a recruté Dreyer. Ouais, voilà. Enfin, je veux dire, mais c'est évident, il n'y a que ça, quoi. Et c'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Mmh. Tu peux pas construire une équipe comme ça. Transition, l'avenir. L'avenir, ouais. L'avenir est sombre. L'avenir du football français. Donc, mais Jean-Lange, j'ai bien aimé. On est à la l'année 2, l'an 2, hein, le 18 Brumaire de Blouko. Déjà, Napoléon perçait sous Bonaparte. Là, il y a de la Népo. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut prédire? Bien sûr, Radio Shoum ne détient pas la science, on donne des clés pour dire que ça va être de la merde, voilà, hein, ça, depuis 17 ans, avec beaucoup de réussite quand même. Non, c'est vrai. Et on a déposé le bilan. Mais c'est nous, on l'avait annoncé 6 mois avant. Oui. Comment ça peut marcher là? Est-ce que donc l'avenir, on est tous d'accord que le projet, il va au moins continuer. Les engrenages sont en marche à la Charlie Chaplin, les temps modernes, les rouages tournent. Voilà, il y a des mecs qui vont se faire broyer, à commencer sûrement par Marc Keller dans un futur proche. Sportivement, est-ce que ça peut passer? Est-ce qu'on va avoir du foot? Est-ce qu'on va se faire chier? Est-ce qu'on va se maintenir? Est-ce qu'on va pas se maintenir? Alors, est-ce que tu veux une annonce forte pour Radio Stoub? Moi, je te prédis une 18e place, mais assez honteuse. Repêchage. Type l'équipe vraiment larguée, quoi, très vite. Là, c'est une possibilité, ouais. Ouais, tu sais, t'as souvent des saisons où t'as en fait. N'y arrive pas, tu commences. T'as une saison où en fait le dernier tu le comptes pas parce que à bout de 15 journées il est déjà complètement largué. Ouais, ça s'appelle Metz. Clermont, Angers, par exemple. Ou Arles-Avignon, ouais. Tu vois, voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a une saison 4 c'est Strasbourg aussi. Hein, ouais, mais je pense que c'est pour nous en prochain. Tu penses qu'en revanche pour nous? Je sais pas. Moi, je pense qu'on sera dans le même schéma que cette année avec des équipes plus nulles que nous. Et peut-être même des équipes en cessation de paiement. Alors c'est ça en fait qu'il faut, c'est un peu tout, hein, parce que là en fait on ne. Si la théorie d'Alex est tout à fait viable, on va dire si on était dans un championnat de France tel qu'on l'a connu ces 5-6 dernières années. C'est strictement impossible avec une équipe de mecs qui ont 18, 19, 20, 21 ans, qui ont été mis là un petit peu par le fait du prince, de réussir dans le championnat de France quand t'as des joueurs. Expérimentés qui ont de la bouteille, qui connaissent les arbitres, les stades, et qui ont 100-150 matchs, qui ont déjà vu du terrain, forcément à un moment tu vas te faire entourlouper quoi. Je veux dire, même une équipe comme Brest. Trop bien. Ah oui, Brest, trop bien. J'avais oublié. Même une équipe comme Brest, ils avaient des mecs, style, on les aime pas, hein, mais des Jonas Martin, des Kenny Lala, bah les types ils sont. Bah, sûr, on aime bien Kenny Lala. Maintenant, effectivement, on est dans une situation. Extrêmement particulière, et ça fait plusieurs YouTube qu'on en parle. Il y a des auditions au Sénat, il y a toutes sortes de discussions. Enfin, cette histoire de droit télé est absolument dramatique. À l'instant T, il n'y a que deux possibilités. Soit la Ligue va effectivement dans le mur et il faut savoir que quand même, d'accord. Je pense que c'est le 12 août, les clubs sont censés recevoir du cash. Oui, le versement, le premier versement des droits télé. Dans un fonctionnement normal tel qu'il a existé jusqu'ici, une entreprise d'audiovisuel achète les droits télé pour un montant rondelet et paye en fait d'une certaine façon d'avance, hein, parce que le 12 août c'est le début du championnat. C'est et fait, non seulement ils payent très cher, mais en plus ils font la trésorerie des clubs. Là évidemment, on est quasiment en juillet, il n'y a toujours rien qui est vendu et il va falloir supplier. Pour que quelqu'un le prenne, ou alors le faire soi-même, ce qui évidemment entraînera l'effet strictement inverse, c'est-à-dire qu'on sera en rade de trésorerie. Ouais, t'as pas de trésorerie, c'est pas voilà. Et donc en fait, concrètement, les clubs, il faut qu'ils payent leurs joueurs. Hein. Ouais. Eux, le 12 août, s'ils n'ont pas les thunes, le 28 ou le 27 ou 28, ils doivent décaisser les payes des joueurs. Donc en fait, le niveau du championnat de France pourrait très très vite descendre vers un niveau de clochardisation extrême. Où tous les joueurs à minimum bancable sont vendus un peu à perte, ou en tout cas à la baisse, parce qu'évidemment, t'es obligé de vendre, donc les autres en face vont plumer, hein, c'est fini les clubs. Pendant très longtemps, on s'est foutu de la gueule des clubs anglais qui achetaient des types un peu jobards pour des sommes délirantes parce qu'ils étaient dans des panic buy. Voilà, je peux te dire que les types, ils attendent le tournant. Ah, c'est pas l'Excel. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Même, il y a peu d'intérêt à acheter un mec alors qu'un club ne pourra pas le payer à la fin du mois. Hein, parce que si tu payes pas un joueur, il est libre. Ouais, au bout de, je sais plus si c'est 4 mois ou 2 aussi. Ah, c'est 4 mois. Il y a une règle FIFA, ouais. Donc, tu peux rompre le contrat. Donc, du coup, est-ce que dans un niveau aussi médiocre, le Racing va pas réussir à surnager en tant que vague équipe réserve, mais ça rejoint ce qu'on avait dit au Radio Stubb au moment du rachat, c'est-à-dire que finalement derrière, ce qui va se passer, c'est quand la Brune dégagera, bah, c'est les équipes qui sont en multipropriété qui mettront la main sur la gouvernance de la Ligue et qui acteront le fait que c'est devenu une Ligue de second rang, une Ligue réserve avec des équipes réserves qui jouent les unes contre les autres. Et donc on sera l'équipe réserve de Chelsea, puis on jouera contre l'équipe réserve de Southampton ou contre l'équipe réserve de je ne sais de Manchester United. Southampton c'est Valenciennes. Voilà. C'est en national. Et on trompe d'ici là parce que les autres. Le pire c'est qu'on ne va même pas accuser Marc Keller et Blucou d'avoir d'avoir clochardisé le championnat de France puisqu'il l'aura fait lui-même en fait. Mais Marc Keller en off ou mais je sais plus s'il l'a dit en on, enfin Cléron, j'ai sauvé le club en vendant à Blucou. Et il avait déjà ça en tête hein, à ce moment-là. Bah oui, parce que Marc Keller, lui, il savait. Fin... Ouais, c'est évident qu'il savait que le plan de la Brune était complètement. Mais Aulas, c'est pareil. Hein. Aulas, dès qu'il pouvait vendre, il a pu vendre à Textor, il a vendu à Textor, même si les garanties ne sont pas excellentes. Si l'argent de Textor, ça reste toujours très hypothétique. Mais mais le fric de Aulas, il est bien sur le compte d'Aulas. Hein. C'est ça, oui, mais c'est ça. Donc, même un Ferry qui a vendu des parts minoritaires, même un Grouillant maintenant qui commence à regarder un peu ailleurs. Cette histoire de droit télé est quand même assez intéressante parce qu'on en parle depuis longtemps. Au printemps, là, il y avait 2-3 rumeurs. Oui, le Qatar va sauver le cul de tout le monde et tout le monde s'est empressé d'y croire. Et un mec comme Labrune continue à survivre. C'est vraiment la quintessence du fait que toute bonne arnaque repose sur le fait qu'on dit aux gens ce qu'ils ont envie de croire. Bah, tout le monde a envie d'être sauvé. Hein. Si tu arrives à 4-5 cessations de paiement au club qui sont sur le point de couler, ça devient aussi un sujet politique et tu peux aussi te demander dans quelle mesure les instances ou en tout cas la classe politique va intervenir là-dedans pour leur sauver les miches ou pas. On va encore sortir de l'argent public pour sauver des clubs là, qui sont hyper mal gérés depuis 20 ans. Je pense que là, ça va être super compliqué quand même de sortir de l'argent public pour sauver des clubs de foot. Oh, ça a déjà été fait. Oui, ça a déjà été fait. Sauf que là, aujourd'hui, déjà, de l'argent public, il faut en trouver. Je te confirme. Et là, je pense qu'on n'est pas du tout dans la configuration où on peut se permettre de... Je compterai pas dessus. Mais tu sauves des emplois. C'est les clubs de foot, n'importe quel club de foot de Ligue 1, c'est une entreprise de taille, enfin qui fait 200-300 salariés rapidement. Oui, enfin, c'est même pas tellement taille. C'est une entreprise qui a plus d'image que de taille. En fait, c'est pas tellement au niveau. Je pense au niveau de compte, ça va pas se jouer au niveau de l'État parce que. Non, c'est collectivité. Mais effectivement, tu peux avoir des plans à la con comme on a connu à Strasbourg aussi. Hein, oui, mais là, les sommes, elles ont rien à voir. Là, genre, imaginons, il n'y a pas de droit de télé, il faut avancer 50 millions pour un club comme Montpellier. Genre, il n'y a pas une collectivité. Même là, je sais pas comment ça s'appelle, la collectivité de merde là-bas. Les mecs, ils ont plus un rond depuis des années. Je l'exclurai pas. J'ai un exemple qui date d'il y a 3 semaines. Ouais, je suis là. Dijon, en National 1, qui est pas monté. Alors qu'il y avait un super gardien. Dijon qui est pas monté. Et un super entraîneur. Ils ont été rachetés par un local, un businessman local. Pas une multipropriété, etc. Pour boucher le trou, la métropole de Dijon a racheté le terrain d'entraînement, enfin centre de formation, centre de performance, que le club avait acheté lui-même, enfin qu'avec lui-même. Oui, parce que on l'a inventé à Strasbourg. Hein. Non, mais c'était à Strasbourg. Non, mais là, on parle de 1 ou 2 millions d'euros. Non, ça se compte, je crois que c'était 20 ou 25 millions d'euros. Voilà, les mecs, ils se sont fait entuber. Hein. Non, mais c'est immense. Quoi, ça, des entourloupes et de la gabegie dans les collectivités locales. Allez, à l'époque. À Dijon, voyons, le centre d'entraînement du Racing, à l'époque, ça a été racheté pour. Non, mais là, c'est un gros. C'est 1,6 million. C'est à Quétigny, c'est un truc, c'est un immense. Justement, c'est à Quétigny. Ouais, c'est sûr. Tout le monde, tu dis au truc, c'est quoi le hip avant on va aller à Quétigny, quoi. C'est comme la cité sportive du Real, c'est à l'époque l'opération immobilière du siècle. Oui, qui avait été racheté par le roi, quoi. Enfin par l'État. Ouais. Ouais. Non mais ok, d'accord, mais si les mecs à Dijon sont capables de mettre 20 millions d'euros pour un truc que personne ne sait où c'est. Mais c'est un truc, t'as 10 terrains d'entraînement, t'as des en des... plein cœur de Dijon. Non, c'est pas à Dijon, c'est à Quétigny, c'est juste à côté. C'est Ouais. Plein cœur de la France. Quand tu sors de l'autoroute. Il y a une autoroute là-bas ? Bah oui, il y a des autoroutes à Dijon. Mais ils ont certainement pas des carrioles à cheval qui montent assez loin. C'est une très belle ville, Dijon. Oh, alors, et donc l'avenir. Sportivement, toi, Alex, tu es pessimiste, mais tu crois peut-être aussi à la faillite du foot français. Ah bah oui. Pour donner raison à Marc Keller. Est-ce que quelqu'un a une vision plus optimiste de l'avenir ? J'ai un auditeur là qui m'appelle et qui me demande, une question d'auditeur qui me dit, est-ce qu'on va encore se faire chier l'année prochaine à la Méno? Ah, en termes de foot. Mais si on parle que du Racing, oui, on va se faire chier. On est juste là pour faire progresser des jeunes et faire des plus-values dans le groupe, quoi. Ça va nous occuper de voir un chantier avancé, un nouveau stade, un nouveau prestataire de buvette. Pour les fans de BTP, ça va être une belle saison. Oui, je pense. Ouais. J'en suis. Tu sais qu'il y a un mot en italien ? Oui, les vieux avec les mains dans le dos. L'oumarelle, je crois que c'est du dialecte lombard. C'est les vieux qui mettent la main dans le dos et qui regardent les chantiers, quoi. Les types ont inventé un concept, t'imagines le génie du truc. On a tous vu déjà ça, les mecs derrière les grilles là qui regardent les chantiers. On a pas beaucoup d'images du chantier, je trouve. On a eu quelques-unes, mais c'est surtout des supporters qui vont prendre des photos. Là. On voit un peu sur Twitter à l'avancée, mais. Moi, je suis passé, tout bon supporter. Et donc toi, tu es victime de... Ah, moi, je suis... On peut parler des abonnements. Ah, les abonnements, ouais. Allez, maintenant, on peut balancer. Alors, on peut balancer des scuds à volonté. On a un peu de temps encore. On va dire que... Ah ouais, on a 10 minutes pour lancer les saloperies. Sur le stade, juste avant les abonnements, juste petite parenthèse, mini coup de gueule. C'est nous qu'on paye. Bah oui, en fait, le chantier du stade, le projet du stade, c'est porté par la métropole. C'est la maîtrise d'ouvrage public. Et le Racing communique comme si c'était lui qui construisait, quoi. Donc tu vois Marc Keller avec son casque de chantier, même pas de chaussures de sécurité, donc quoi, énorme. C'est un scandale, ça. Donc voilà, c'est Angelo Gabriel qui les a mis pour juste que le Racing se rende compte que c'est juste un locataire et que voilà, c'est l'argent public qui construit, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que pour avoir eu un écho, un mec comme Biri maintenant est totalement furieux contre Keller parce qu'il a. Il a craché aux bassinettes d'ACEA, et effectivement, si c'était derrière pour aller chez Bocco, et surtout pas faire sa pub, parce que le truc qui intéresse le plus au monde Biri, c'est de foutre sa gueule partout pour nous vendre son Alsace indépendante. Et donc, typiquement, un mec comme Biri est parti en guerre contre Marc Keller, ça, c'est... Ah, bah, on va le contacter. Les chauves toxiques de chien mec, là. Oh, arrête, il est bien, Fredo. Alsace Fry. Ah oui, bah, alors ça, je viens de dire que, effectivement, c'est... Les abonnements. Donc les abonnements, qui a compris les phases d'abonnement? Alors c'était... Ah c'est incompréhensible. Il y avait un graphique, un mail, mais c'est en ce cas, ça collait pas entre les deux, il y avait une vidéo. Voilà, moi j'attendais limite à ce qu'on vienne me le faire à ma place. Je pensais pas être concerné, parce que moi, bourgeois de la Tribune Nord, on ne fait pas encore de travaux chez moi cette année. Mais alors il faut accueillir les réfugiés de la Tribune Sud. Et donc j'ai dû bouger mes fesses aussi, et... Et pour se regrouper quand t'es abonné à 3-4, c'est une vraie galère. Alors attends, toi tu es Nord. Moi je suis Nord, oui. Et donc normalement tu devrais pouvoir te réabonner et garder ta place. Non, c'est pas le cas. D'accord, donc ça c'est pas possible. Faut se repositionner, ouais. Faut se repositionner, j'ai l'impression que... Mais alors pourquoi ? C'est débile, parce que c'est déjà placé que tu te repositionnes. Moi quand j'ai voulu me réabonner, on m'a reproposé des places plus haut dans la tribune. Je pense que les VIP de la Sud, bonnes places de la Sud... vont être des bonnes places en or et que par extension, nous, on dégage, on se décale. Ça dégage. D'accord. Pour leur faire de la place. Ça, c'est quand même un micro-mensonge parce qu'on avait dit aux gens, on vous déplace, vous garderez votre place et on vous déplacera. Mais en gros, toi, tu es en train de nous dire que même si ta tribune n'est pas en travaux, on te dit déjà de dégager pour faire de la place à quelqu'un de la Pour la Nord, c'est ça. Et après, le truc, c'est qu'ils te proposent aussi d'aller dans le COP, dans la tribune ouest. Mmh. Bah oui. Puisque, pour le même prix que la Nord. Puisque, écoutez. L'ambiance d'aujourd'hui avec. Alors, un point sur le prix n'a pas bougé. Ah. On peut en parler. Enfin, pour le COP, le prix n'a pas bougé. Mais on a supprimé des abonnements. Pour la Nord, le prix. On a supprimé des abonnements dans le COP. Donc le COP, à l'époque, il y avait une magnifique segmentation marketing, hein. Genre, tout le monde a fait un peu de marketing, peut-être dans ses jeunes années. Il y avait, premium. Genre normal, confort, et gueux. Ouais, oui, Gueux, tu pouvais même pas aller voir les matchs féminines. Voilà. Gueux. Avec la réserve. Gueux, il fallait en plus téléphoner à Davy et pour qu'il te débloque ton abonnement parce que tu pouvais pas le prendre en ligne et tout ça. Voilà. Mais il y avait des gens qui avaient Gueux. Moi, c'est vrai que je m'étais pas fait chier, c'était 10 balles de moins, je crois. Voilà. Aujourd'hui, le club a rationalisé la grille qu'il a créée lui-même il y a 4 ans, hein, puisqu'avant, il y avait qu'un seul abonnement. Hein. Ouais, voilà. Ouais, et donc, ouais. Du coup, on supprime les deux premiers. Donc, en fait, pour les Gueux et les basiques, l'abonnement n'augmente pas, mais on est obligé de prendre l'abonnement qui est 40 balles plus cher. Pour pouvoir. Ah non, il y en a plus qu'un. Donc de toute façon, c'est. Pour pouvoir avoir. Mais par contre, on pourra aller voir les féminines. La réserve. Les féminines. De toute façon, tu dis que t'es abonné au Racing, tu rentres. Hein. Oui, bah la réserve, ça fait longtemps que je monte plus mon abonnement. Bon, si t'étais pas en Ouest, tu serais pas à 40 balles près, parce que. Oui. Je parle de Gueux. Hein. Ah, oui, voilà. Donc on a rationalisé le truc qu'on avait créé il y a quatre ans. On a sectorisé. Ouais, maintenant on a rationalisé et on a enculationné. Alors surtout tout le monde. Je vais défendre le Racing. Merde. On est quand même dans une situation assez complexe où finalement la capacité du stade, c'est exactement le nombre d'abonnés. Donc finalement, si tu veux avoir des regroupements, c'est compliqué. Au bout d'un moment, ça va coincer. Faut faire péter une soupape. Il faudrait avoir une soupape. Alors du coup, si tu veux perdre des abonnés, le mieux, c'est de faire jouer une équipe de gamins avec un truc indigent. Mais oui. Éventuellement, un avant-centre un peu grande gigue qui ferme les oreilles et tout, machin, etc. C'est bon, les gens, c'est prévu depuis un an. Eh oui. En fait, Blueco n'existe pas. C'est une SPL créée par l'Eurométropole. Ok, attends. Non mais alors tu voulais défendre le Racing là. Non mais c'était juste ça, c'est juste que c'est une situation qui est quand même complexe à gérer. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. C'est évidemment que c'est complexe à gérer, il faut juste pas se foutre la gueule du monde oui. En disant on n'augmente pas les tarifs, mais par contre vous allez payer 40 balles plus cher. Je suis désolé, si je paye 40 euros plus cher, on a augmenté les tarifs. Comment il s'appelle de nouveau là Oui bah c'était comme le truc de... Le mec de Larry là, le pote à Larry. À Gutleben. Voilà, à Gutleben. Il se fout de ma gueule. Oui, bah ça. Genre, voilà, qui vienne au guichet et va voir s'il a pas augmenté l'abonnement. Qui vienne au local. Oui, c'est comme l'abonnement n'augmente pas, mais il y a deux matchs en moins. Ça, c'est le bon. Ça encore, je peux comprendre, on n'allait pas faire une. On n'allait pas faire une baisse. Mais là dire non, on n'a pas augmenté, on a juste supprimé les. Non, mais on n'augmente pas les impôts, on supprime juste les tranches inférieures. En gros, c'est ça. C'est bien vu, effectivement. Voilà, il faut juste dire si on a augmenté, on avait inventé un truc de merde il y a 4 ans, on l'a supprimé pour vous niquer de 50 balles. Voilà. Non, mais en fait, c'est un fonctionnement logique. C'est-à-dire que tu fais une fausse premiumisation, des prestations en plus dont les gens n'ont pas spécialement besoin. À un moment, il y avait des prestations dues en plus à la base, parce que normalement, genre le fait de, enfin, genre aller voir la réserve, ça a toujours été dans l'abonnement. Ouais. Mettre son billet sur le site de revente, bah, la preuve, c'est qu'ils veulent forcer les gens à le faire. Oui, donc en fait, c'est pour le club, c'est pas pour moi que je le fais. Moi, j'en ai rien à foutre que le club revende son billet. Moi, j'ai payé le billet. Moi, je l'ai payé mon billet, mon gars. T'as pas envie de dire. Mais ça, il l'avait dit en plus dans la communication. Moi, je viendrais, je biperais mon billet, je me casserais. Non, mais on peut aller au stade et manger un flambé en bas, c'est pareil. Ouais, c'est ce qu'on mais fait. Le club a dit effectivement qu'il serait prêt à désactiver les abonnements après des no-shows, quoi. Au lieu de. À partir de 7 no-shows, je crois. Oh, ça va encore. Attends, c'est la première année. Ouais. Est-ce que si le mec s'endort en tribune, parce que c'est tellement chiant, il est désactivé aussi. Non, mais enfin, là aussi, ils prennent un gros risque parce que. Cet engouement autour du Racing qui faisait qu'il y avait des guichets fermés, c'était un peu un cercle vertueux, une prophétie autoréalisatrice, appelle ça comme tu veux, où en fait t'avais des gens qui, comme c'était compliqué de venir, étaient super intéressés pour venir, et en fait là c'est en train de s'inverser en même temps que la capacité du stade augmente. Si tu sais que tu peux acheter une place facilement, ne serait-ce que sur la plateforme de revente, j'en ai discuté avec un collègue de travail pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, en fait tu reprends pas l'abonnement. Ouais, bah, c'est ça la grande question, moi je pense. C'est clairement, cette année, sortie de Marseille, Paris et peut-être Metz, tu trouveras un billet pour tous les matchs. Hein. Sur la plateforme de revente. Toute la deuxième partie de saison, le mec, tu pouvais venir prendre, je sais pas quand ça va être la plateforme de revente, mais tu pouvais acheter ton billet jusqu'au dernier moment, il n'y a pas eu un seul vrai guichet fermé de la saison. Genre, après. Je sais pas, c'est bien, c'est de la com. Mais bon, tout le monde le sait que c'est faux. Ouais. Genre, il suffit d'aller au stade pour voir que le stade est vide et n'est plus plein, de regarder la plateforme de revente pour savoir que tout le monde vend son billet parce que le spectacle il est mauvais. Mmh. Voilà. Après, est-ce qu'ils y croient vraiment ou est-ce que c'est juste de la com? J'espère que. Il y a un autre phénomène. Alors, je mesure pas du tout l'ampleur, mais c'est sur le YouTube, on voit pas mal de gens sur le topic justement des abonnements. qui disent qu'ils en ont marre, ils prennent plus l'abonnement. Ton voisin Chris Nedorf, par exemple, qu'on salue, lui, il se réabonne pas. Oui, il l'a dit, il a testé de pas y aller, ça lui a rien fait. Bah, moi, je me pose sérieusement la question. Ça lui a peut-être fait moins de mal que d'aller voir certains matchs. Moi, je serai réabonné parce que je suis con, mais je fais à contre-cœur. Enfin, j'ai aucune motivation à voir ces matchs-là. Bah, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Moi, personnellement, j'avais aussi cette réflexion-là que j'ai jamais eue depuis que je suis le Racing. Oui, bah, cette saison était assez. C'est sûr que ce sont des exemples isolés, mais peut-être pas si isolés que ça. Bah, justement, je mesure pas l'ampleur. Enfin, oui, mais... alors là, on peut faire un appel solennel. S'il y a un mec qui a kiffé la saison dernière, mais on l'invite, on fait une émission spéciale. Hein. Faut qu'il nous explique. On peut défendre le projet, on peut dire, enfin, y a plein de choses, on peut intellectualiser plein de choses. Et un mec qui a pris son pied, à part un enfant qui découvre la méno pour la première année, et, genre tout le monde s'est fait chier. Ouais, mais c'est Patrick Vieira le premier. Ouais, non, mais ça va être quand même. On s'en va, un euro, on se fait pas chier du coup. Je plaisante. Hein. C'est triste hein, tout ce tableau quand même finalement. Bah oui, il n'y a pas beaucoup d'optimisme. Allez, on va finir. Ouais. Est-ce qu'on va finir, on finirait pas sur une note d'optimisme, on faisait personne un truc optimiste? La buvette, il y a une nouvelle buvette, ça va peut-être mieux marcher. Ouais, qu'ils vont faire des hamburgers. Ah ouais. Mais les prix n'augmenteront. Alors, on peut le dire, les prix ne vont pas augmenter. Mais ce sera plus cher. Mais ce sera plus cher. On va moins manger. Voilà. Il y aura des tares flambées, mais. T'es sûr qu'il y aura des tares flambées parce que l'article de Rue 89 Strasbourg qui annonçait le changement de buvette. Au club, on m'a assuré qu'il y aurait des tares flambées. Ils ont trouvé un prestataire. Ouais, je pense que là, ils vont pas aller jusque-là. Là, t'as le flambeau. C'est Nantes 80 de nouveau. Là, on peut recruter des U14 et jouer contre notre camp toute la saison, mais par contre, s'il n'y a plus de tares flambées. Et s'il n'y a plus de torquilles. Alors là, c'est le bordel. L'expérience stade, c'est ça. Non, mais point d'optimisme, je pense qu'en fait, il y a des périodes dans le foot, là, il y a une espèce de tocade de fonds financiers américains qui pensent qu'ils vont pouvoir faire du fric avec le foot et particulièrement avec des équipes en multipropriété, mais ça peut durer 3-4 ans. Quoi. On sent pas trop l'optimisme pour l'instant. Tout peut s'effondrer et repartir. On est assez bien placé au Racing pour le savoir. Il y a quand même eu cet élan populaire pendant presque 10 ans. Je pense que. On n'est pas le club le plus mal armé. C'est un poète en plus. Oui, bah oui, bien ça. Il y a de l'emphase. Si jamais on en arrive à un phénomène où il faut baisser les salaires de 30 ou 40% des joueurs, ce qui serait une très bonne chose d'un point de vue économique. D'avoir un modèle économique sain. D'avoir un modèle de ne pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Un modèle économique sain, parce qu'au final, on se rendrait compte que c'est pareil. Les tares flambées, elles seraient toujours là. Les joueurs, ce serait quasiment les mêmes, parce que bon, au bout d'un moment, il n'y a pas non plus 10 000 places ailleurs. De toute façon, les mecs qui sont achetés 10 millions par Chelsea et qui ne peuvent pas jouer en Angleterre, faut bien les envoyer quelque part. C'est ça. Donc en fait, il serait juste 1 million au lieu de 10, quoi. Et effectivement, un Racing qui serait un peu à l'équilibre économique sur son exploitation, il pourrait attirer assez facilement, je pense, les quelques grosses boîtes de la région qui ont envie un peu de se faire mousser localement, et on pourrait récupérer un peu cet élan populaire. Ça paraît complètement fou à ce stade-là, parce que là, on est en plein marasme, on se fait saccager. Moi, c'est ce qui me fait garder le petit filet d'espoir, c'est de me dire que finalement, là, on vit une période qui va durer 3, 4, 5 ans. Ils vont se lasser, particulièrement du football français où globalement il n'y a pas vraiment d'argent à se faire, et on retrouvera un jour notre Racing. Enfin, le Racing, c'est vraiment un club qui a été donné mort un certain nombre de fois et qui est toujours revenu. Donc là, on est reparti dans une phase un peu down. Ça veut dire que ce sera un peu mieux une autre fois. C'est la communication du maillot du Racing, là, le nouveau maillot, c'était résilience. Le mot à la mode qui devient insupportable, finalement, ça va être ça. Hein. C'est qu'on va s'effondrer, on va revenir. Hein. Est-ce qu'on reviendra plus fort? Voilà, Radio Shtoub, ça, toujours là. Voilà, encore plus là, quand c'est pas mal. Voilà, bien sûr, évidemment. Nous, c'est notre fonds de commerce. Alors, on mange de ça. On a chouiné quand ça se passait bien. Et maintenant, on chouine parce que ça va mal. En fait, voilà. On est assez français, quoi. Même derrière nos travers alsaciens. Voilà, on peut finir cette émission en saluant nos deux combattants sur le front de l'Ouest, JP Darki et Roulian, hein, qui sont dans l'enfer, j'ai envie de dire, pour défendre les couleurs du Racing. Blourg à vous. Et. Allez, Racing!